ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la quatrième dimension. Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans la septième dimension, le podcast qui explore toutes les dimensions du cinéma. Je suis toujours Corentin et pour un épisode, ma foi, très spécial, je suis avec Melvin. Melvin, comment vas-tu ? Ça va toujours. Eh bien super, eh bien parce que pour cet épisode, on est donc pour un double épisode centré autour de l'animation et pour l'occasion un petit peu spéciale, ce n'est pas moi qui vais l'animer, c'est notre Melvin national. Melvin, je te passe donc le relais. Oui, passionné d'animation, c'est moi qui prends le flambeau pour une fois. Le maître a décidé que ce serait moi. Donc aujourd'hui, on va parler animation avec deux réalisateurs, dans le deuxième double épisode. Alors, pour moi, ça sera Éric Bergeron et pour Corentin, ça sera Tim Johnson. On commence par toi, du coup ? Eh bien, allez, avec grand plaisir. Alors, Tim Johnson, donc, c'est un Américain, toujours, j'ai l'impression qu'on fait régulièrement, j'ai l'impression qu'on tourne un peu trop autour d'un même pays, il faudra dévarier ça. Donc, c'est un Américain, il est né en 1961, il a commencé dans l'animation. Pour la petite anecdote, il a notamment réalisé un des Simpsons Horror Show, qui est le numéro 6, qui comporte un des segments que j'aime le plus, c'est celui où Willy ressemble un petit peu à Freddy. J'aime beaucoup ce segment. Donc il a réalisé plusieurs films entre 1998 et son dernier date de 2016. Pardon. Et il a également réalisé d'autres courts-métrages pour d'autres sagas, notamment pour Kung Fu Panda et Dragon. On ne va pas en parler, on attendra des épisodes potentiellement consacrés à ça. À savoir qu'il a tout fait chez DreamWorks, il travaille uniquement pour DreamWorks, et il a participé, j'ai noté ça parce que bon, c'est un enfer, à Cyberworld en 2000, et Cyberworld, on va en parler, mais les années 2000, je pense que Melvin, tu pourras prouver, c'était quand même ce qu'on va appeler un laboratoire d'expérimentation pour l'animation. Et c'était les balbutiements de la 3D en plus, alors... Ouais, le balbutiement de la 3D, mais c'est pas toujours... on va voir, c'est pas sur le mien que ça se voit le plus, je pense, mais c'est pas toujours grandiose. Et donc, on démarre avec, en 98, son premier film, Fourmiz. Sous nos pieds, il y a un autre monde. Pourquoi faut-il que je sois né ouvrier ? Je te rappelle quand même que nous, les fourmis, on fait la loi, on est les seigneurs de la Terre. Un monde qui ressemble beaucoup au nôtre. Bon, tout le monde, 6h15, c'est l'heure de danser. Tu bois pas ta bière depuis son ? Je suis peut-être ridicule, mais enfin, ça ne me dit rien de boire ce qui sort de l'arrière-train d'un autre animal. Fais comme tu veux. Zed n'était qu'un visage anonyme dans la foule, jusqu'au jour où elle entra dans sa vie. Salut, vous dansez ? Absolument. Je peux savoir ce que vous faites ? Pourquoi tout le monde est forcé de danser la même chose, hein ? Je trouve ça terriblement ennuyeux. Ce n'est vraiment pas drôle. Princesse Bala, les gardes arrivent ! Vous êtes une princesse ? Dites-moi, quand est-ce que je pourrais vous revoir ? Jamais. Bye. Non, attendez ! Oh, Weaver, il faut que tu me laisses prendre ta place. Il n'y a que comme ça que je pourrais voir la princesse Bala. Un bon sang. Princesse Bala ! Princesse Bala ! C'est moi ! De droite ! Nous avons appris que l'ennemi Termite avait mobilisé ses troupes. Ce mec est complètement dingue. Je suis fier de vous envoyer au combat. Pardon, au combat ? Et voilà que le destin fait de lui un héros. Un soldat a survécu. Vous êtes le type du bar ? Un ouvrier a dansé avec ma fiancée ? Arrêtez-le ! Eh non, pas si vite ! Lâchez-moi ! Et cette aventure le conduira au-delà de ses rêves les plus fous. Alors, il se fait une centaine de termites, et badabim, badabip, il se fait copain avec une princesse. Oh. Je n'en reviens pas que vous ayez pu vous faire passer pour un soldat. Alors, le truc, c'est de ne pas paniquer. Il découvrira que les épreuves du monde extérieur sont les moindres de ses problèmes. Je me suis fait kidnapper par l'idiot du village. Je sais presque exactement ce que je fais. Tout doit être mis en œuvre pour la ramener. À l'acteur ! Attention ! Cet automne, un insecte... Zed, au secours ! ...va s'élever plus haut que tout. Pour prouver à quel point il est exceptionnel. DreamWorks Pictures et PDI présentent... Je crois que cette fois, ça y est. Alors que je commençais à peine à t'aimer. fourmise. Donc Fourmise ou Hans en version originale avec un Z à la fin. Co-réalisé avec Eric Darnell, il faut savoir que Tim Johnson, toutes ses réalisations sont, enfin quasiment toutes, à l'exception d'une, sont des co-réales, donc réalisées avec Eric Darnell, qui est responsable de Madagascar. Je ne sais pas si on doit le remercier ou pas pour ça. Tu le remercies ou pas, toi ? Ça dépend lesquels. Pour le 2, je le remercie. Pour le reste, je ne sais pas trop. Ah, moi j'aime bien le 3. Lequel, c'est le 3, c'est celui en Europe ? Oui, avec la méchante policière. Oh, quel enfer ! C'est celle qui chante du Edith Piaf. Quel enfer. Donc sorti en 98, écrit par Todd Alcott qui n'a fait que ça, et également Chris Weitz et Paul Weitz qui sont deux salopards visiblement puisqu'ils ont participé à la saga American Pie. Je ne les remercie pas pour ça. À savoir que l'un des deux, Chris, a scénarisé Rogue One. Ça c'est cool. À la musique, on a Harry Gregson-Williams et John Powell. On va souvent les retrouver. Moi, c'est deux compositeurs que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Harry Gregson-Williams, il a notamment participé à Armageddon. Il a fait la très belle musique de Narnia. Il a fait Shrek, notamment. John Powell avait aussi été sur Shrek et il a surtout composé... Melvin, qu'est-ce que John Powell a composé ? Godzilla ? Et oui, c'est vrai. C'est lui le Godzilla ? Il me semble, de 98. Là. Oh merde, non, je pensais à Dragon. Oui, mais c'était moins drôle. C'est vrai. Sur un budget, on est quand même sur un budget de 60 millions de dollars, une durée de 1h23 et un casting de malade mental. C'est-à-dire qu'on a quand même Woody Allen, Sharon Stone, Dan Aykroyd, dont on avait déjà parlé sur Ghostbusters, Sylvester Stallone, Jennifer Lopez, Jane Hackman, Danny Glover, je ne vais pas tous les faire, mais casting de malade mental. Il faut savoir que ce film a souvent été comparé avec un autre classique, entre guillemets, de l'animation, qui est Mille et une pattes, et les deux sont sortis à un mois d'intervalle, tout simplement. Alors, pour ce qui est de l'histoire de Fourmise, on est sur, comment dire ça, on est sur plus ou moins une espèce de lutte des classes. On peut dire ça ? Non, on suit l'histoire de Z, et je viens de comprendre pourquoi ça s'appelle Fourmise, du coup, avec un Z. Qui est un peu... Ah, mais c'est, je te dis, un grand film. Qui est une fourmi, un travailleur fourmi qui, un jour, qui rêve d'aventure et d'autre chose, et qui, un jour, tombe sous le charme d'une princesse qui s'appelle Bala, en VO, j'avoue que c'est un nom qui m'a un peu fait vriller quand même, je sais pas pourquoi. Qui va tomber amoureux d'une princesse et qui va... Compliqué de résumer quand même ce truc. Qui va se retrouver à devenir soldat par un enchaînement de hasard, on va dire. Et voilà, je pense que je m'arrête là déjà parce que c'est compliqué. Ensuite, pour pas forcément trop révéler la suite. Vas-y. Juste pour le truc, c'est pas du tout Godzilla, je confonds avec un autre. Voilà, au passage. Je vous reparlerai de Godzilla tout à l'heure pour autre chose. En fait, tu voulais juste citer Godzilla qui mange des poissons ? Ouais, comme ça, je pourrais le citer deux fois. Quelle chance pas. Alors, donc moi, pour le coup, Fourmise, j'étais sûr et certain de l'avoir vu. J'étais sûr et certain de l'avoir déjà vu. Parce qu'en fait, je voyais les images, etc. Mais en fait, non. C'est-à-dire, je confondais sûrement avec Mille et une pattes, comme pas mal de personnes. Et donc, ça a été une découverte. Et bon, je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai pas trop accroché au film. C'est-à-dire que déjà, on a parlé de laboratoire d'expérimentation. En fait, le film souffre d'un problème qui va être récurrent sur pas mal de films de cette sélection, qui est que les animations sont propres, mais les textures sont pas faux-folles. C'est pas le pire en termes de textures, mais en fait, elles bavent à moitié. J'ai pas trouvé ça très très beau. Le casting, c'était marrant de reconnaître toutes les voix, mais alors, moi, pour le coup, c'est un truc, c'est très personnel, mais à quelques exceptions près, les castings vocaux, j'en ai rien à faire. C'est-à-dire que quand ils sont très mauvais, je fais une fixette dessus et c'est assez, assez dérangeant, mais je vais rarement me dire « Ah tiens, c'est telle personne, je suis content de le voir en casting vocal ». C'est très personnel. Mais donc voilà, Fourmise, après, je peux pas... J'ai du mal à détester le film, c'est-à-dire que oui, Zed, il est un petit peu attachant avec son côté rêveur. Il y a la scène de danse entre les deux m'a fait rire lorsque, tu sais, ils font la même chose. Ouais, le truc de Pulp Fiction, là. Ouais. Mais ouais, c'est pas un truc qui m'a beaucoup marqué. Et même le côté lutte des classes, c'est noble de vouloir mettre ça dans un film. Mais bah, il y a la même chose sur Gang de requins, c'est-à-dire mettre un sous-texte un peu mature, mais qui pour moi n'aboutit pas et ne donne pas forcément grand-chose. Après, il me semble que toi, tu es peut-être plus attaché au film. Oui, parce que j'ai dû découvrir Fourmise en même temps que Mille et une pattes. Je pense que ça ne devait pas être très loin. Et étrangement, Fourmise me reste beaucoup plus en tête. Enfin je ne l'ai pas revu depuis longtemps, comme Mille et une pattes. Et je me rappelais beaucoup plus de Fourmise que de Mille et une pattes. Et au revisionnage, je ne peux que confirmer ça. Ça, c'est l'effet Sharon Stone. Oui, surtout que je le regarde en VF, donc après. Et Sharon Stone, je me demande si j'ai pas. Je crois que je n'ai vu aucun film d'elle. Aucun. Instinct? Non, jamais vu. Oh, t'inquiète, qu'on fera À un part, épisode. ah si, la pub à Felou. C'est tout. Yes! Et donc, non, ouais, Fourmis, ça me reste très bien en tête. Alors, oui, l'animation n'est pas terrible, mais 98, hein, c'est quand même le tout début de la 3D. C'est le premier film DreamWorks, donc société toute nouvelle de l'animation. Et donc, Qui par la suite deviendra le géant qu'on connaît avec Shrek, etc. et qui se perdra un peu ces dernières années, mais ça, c'est autre chose. Un peu beaucoup. Et donc, non, là-dessus, je suis un peu indulgent sur l'animation. Je me dis, pour voir que c'était Toy Story, c'est quoi, 95, c'était le tout premier en image de synthèse, on n'est que 4 ans, 3-4 ans après, donc ça va. Et non, l'histoire, un peu classique, mais je me suis pris au jeu. Il y a 2-3 trucs que je trouvais vraiment sympa. Tu n'en as pas parlé dans le résumé, mais en gros, le pitch du film, c'est qu'il cherche, je ne sais plus comment ça s'appelle, le pays, en gros, une espèce de paradis pour Oui, insectes. c'est vrai, Insectopia. Voilà, Insectopia, et en fait, c'est juste une vieille nappe de pique-nique. Et je trouve ça fabuleux. C'est vrai que ça, pour le coup, c'était bien vu, et même, t'as ce côté, ben, j'en ai parlé très vaguement, mais le fait de vouloir mettre dans un film à destination d'enfants un côté lutte des classes et classe défavorisée contre classe plus aisée, je trouve, ça reste une intention vraiment noble, et c'est pas non plus si mal exécuté que ça. Non, et même le méchant est sympa. Les personnages sont pas trop mal écrits. Alors, ils sont très caricaturaux, tu vas me dire. Je peux pas donner tort, mais je trouve que ça va. Pour un film d'animation, on est sur un personnage assez intelligent. Et j'aime beaucoup le personnage de Sylvester Stallone. Ça me fait beaucoup rire. C'est un Ah, gros balèze. Oh, j'aime pas. le pote de Ouais. Zen. Qui fait, j'aime pas la guerre. Je vais aller creuser des trous et draguer. Ouais. Ça me fait beaucoup rire quand même. C'est vrai que ça, je dois admettre, ça m'a fait sourire parce que ça fait son petit effet, on va dire. Et ouais, c'est deux, trois petits points comme ça qui sont appréciables. Et pour comparer, parce que chez DreamWorks, on a un autre film d'insectes qui s'appelle B-Movie. On le trouve 10 fois meilleur que B-Movie. Ah non, B-Movie c'est nul. B-Movie c'est nul, je veux dire, c'est pas bien. Hein. Mais tu vois, Mais quand j'étais mal. typiquement, B-Movie, non, B-Movie c'est mauvais. Quand j'étais petit, c'était pas mal. Quand je suis grand, non, c'est pas terrible. Tu sais, le seul film que j'aimais quand j'étais petit et que je continue sincèrement d'aimer, c'est Van Helsing. On a tous des défauts. Avec des insectes, bien sûr. Vraiment. Après, pour le coup, je trouve, toi tu compares avec Mille et une pattes, je trouve que Mille et une pattes est quand même bien meilleur. Je ne suis pas non plus le plus gros fan de Mille et une pattes, notamment parce que je trouve l'univers un peu pas gênant, mais trop bizarre pour moi. Mais je reviendrai à ça avec un de tes films d'ailleurs. Après, pour le coup, derrière Mille et une pattes, enfin, c'est quand même un autre calibre, tu vois. C'est quand même John Lasseter, le gars, c'est Toy Story 1, Toy Story 2, Cars, tu vois. Enfin, bon, Cars 2 aussi, mais il sait y faire. Et je trouve que ça fonctionne bien mieux, même sur l'animation. Enfin, ça fait longtemps que j'ai Oui. pas revu Mille et une pattes, mais dans mes souvenirs, l'animation de Mille et une pattes est quand même bien plus propre, et même sur les textures, etc., que Fourmise ici. Oui, mais une patte est pas plus lisse, quoi. Alors que mes fourmis, il a un espèce de grain, c'est très Ça bizarre. bave, ça bave. Ouais. Et notamment, c'est le plus flagrant, c'est la scène de combat avec les termites. C'est très très moche, cette scène. Ah, c'est vraiment pas très beau, surtout que la caméra elle bouge un peu dans tous les sens, donc tout a juste l'impression de voir une machine à laver, quoi. Alors ça, d'ailleurs, c'est une scène avec un côté quand même très adulte. Ça m'a marqué. T'as quand même un gars avec une tête qui est mort dans un film pour enfants. Le gars a juste la tête et dis-moi que je ne meurs pas. Je ne sens plus mes jambes. Non, t'inquiète, tout va bien. Oh, je meurs. C'est absolument horrible. C'est super glauque, ça, le gars, il a la tête arrachée. Tu sais, je voyais ça, je fais, ouais, pardon. Et même à la fin, quand le méchant veut génocider, je Ah mets tout le monde oui. dans les noyantes, tu vois ça, tu fais, ah, c'est sympa ce film pour enfants, dis donc. Ah, c'est pas les nazis. Les nazis, ils brûlent. Ça change. Ouais, ouais. Enfin, ça reste pas... Non, après, pour le coup, en fait, moi, ce qui est vraiment dommage avec Fourmis, c'est surtout, je pense que je m'attendais aussi un petit peu à autre chose. C'est-à-dire que sur une des affiches, en tout cas sur l'affiche américaine, tu vois le petit... la petite fourmi, le petit Z, là, qui est sur un rocher, tout content, les bras levés, et en fond, tu vois la ville. Et je m'attendais à quelque chose où, justement, tu vois la fourmi aller en ville. Ça, je sais pas pourquoi je pensais à ça, et ça m'aurait fait un peu marrer. Honnêtement, je pense que... Enfin, je m'en rappelle pas beaucoup, tu vois. Je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, et il disparaît peu à peu. C'est-à-dire, je pense que c'est un film qu'il aurait fallu vous découvrir un peu plus jeune. Mais là, en le voyant juste comme ça, j'avoue que, à part son casting... complètement hallucinant, où tu te dis ah quand même ça va, t'as quand même des noms, et que même moi, comme j'ai dit précédemment, ça me touche absolument pas, bah on, tu vois, je veux dire, t'as quand même Jennifer Lopez et tout ça, tu vois, enfin voilà, bah j'en retire pas forcément grand chose. Mais toi, et pour toi qui es fan, faut savoir qu'il y avait une suite prévue, bon, en DTV, oh, mais quand même, et elle a été annulée. Oh bah enfin, ouais. Une suite DTV, je te rappelle que Atlantide a eu une suite en DTV et j'ai pas envie de la revoir, hein. C'est vrai. Mais c'est toujours curieux de voir comme la colonie se reforme à la fin. Ça aurait pu être intéressant, hein, si tu restes sur ce système de lutte des classes et de colonie, en fait, de société. Ok. Intéressant. Mais je veux les mêmes textures. Même aujourd'hui. Non, mais ça, mais vraiment, c'est les. Enfin, je pense que on va en parler. Sur nos films respectifs, mais c'est un problème assez récurrent de cette animation des années 2000 où bah, ça bave, quoi, c'est pas beau. Mais je précise quand même que c'est plus joli que La véritable histoire du chaperon rouge. Oui, alors le problème de La véritable histoire du chaperon rouge, c'est qu'il n'y avait pas que les textures qui bavaient. Non. Mais après, oui. Vraiment, comme j'ai dit, l'animation, elle est nickel. Hein. L'animation, franchement, elle est belle. L'animation, il n'y a rien à dire. Ouais, même les visages, ils sont pour des fourmis, je trouve les fourmis très bien faites. Bah oui, enfin, si ce n'est ce... Ah, bah, on en reparlera sur le... Sur un film de poisson qui... où, en fait, j'arrive pas à rentrer dedans à cause de son animation, mais on en reparlera. De poisson. C'est un autre sujet. On en reparlera tout à l'heure. Plus tard. Running gag jusqu'à ce qu'on y arrive. est-ce que tu as une scène que tu retiens de Fourmise ? Ce titre me fascine, en fait. Mais c'est une très bonne traduction. Ah oui, non, mais là pour le coup... La traduction est très bonne. Là, pour le coup, c'est littéral. Hein, c'est vraiment, ils ont fait... Hans, vas-y. Et non, en scène, j'aime bien la fin, quand ils sortent de la... Comment on appelle ça ? La ruche ? C'est pas une ruche. J'ai plus le nom. Une fourmilière. Voilà, la fourmilière, tout simplement. La fourmilière se remplit d'eau, donc ils s'échappent tous en faisant une espèce de grande colonne, là. Et j'aime beaucoup ce passage. Je sais pas, il y a un petit côté triste et tout. Et le lobe de main du méchant qui devient gentil. J'attendais ça depuis le début du film. J'étais content. Mais non, je trouve la scène vraiment... Où on arrive enfin à un truc avec des émotions, tu vois, avec des faux sacrifices, mais je trouve ça vraiment sympa. Bah moi, pour le coup, la scène que je retiens, c'est, bah, tu t'en as parlé rapidement lorsque tu as parlé du personnage de Stallone, mais c'est justement à peu près toutes les scènes du personnage de Stallone qui est bah, le cliché de la grosse fourmi baraquée super forte, et qui fait « Non, mais moi, je veux juste creuser dans les mines et tout. » Moi, juste, après, personnage attachant, après, j'avoue que j'ai vraiment du mal à garder une scène en particulier. Tenez que c'est un film qui, en fait, c'est pas moi qui l'ai regardé, c'est lui qui m'a regardé concrètement. En fait, j'avais pas, je n'en retire pas spécialement grand chose. Sinon, tu as aussi la scène, celle-là, elle est fabuleuse, des guêpes. Celle-là, elle me fascine aussi. Genre, oh, on a un petit coup de bourgeois et tout. Oh merde, ma femme est morte. Ça me fait vraiment toujours rire aussi. Oui, c'est vrai que c'est un film pour enfants, mais c'est un peu cringe en même temps. Tu vois, c'était, tu regardes ça, tu fais oui. Et avant qu'on attaque la musique, parce que pour le coup, la musique de Fourmise, c'est pas la meilleure. La meilleure, c'est juste après. Mais elle est vraiment cool. Mais est-ce que tu veux nous parler de la VF du film ? Est-ce qu'ils ont compensé ce casting 14 étoiles en VO par au moins un casting 14 étoiles en VF ? Eh bien, étrangement, non. Comme quasi tous les films d'animation qui vont arriver, où il y a des castings de stars plus que de doubleurs, ici, on a que des doubleurs. On a Bernard Murat sur Z, donc qui est le doubleur de Woody Allen, et le heureusement Alain Dorval, donc le doubleur de Sylvester Stallone, qui fait ce personnage est incroyable. Tu vois la VF de Stallone. Genre, oui, la fameuse. Mais c'est incroyable sur une fourmi. Genre, je me permets quand même de citer pour moi la plus belle réplique de Stallone en VF. Je sais pas si t'as vu Judge Dredd. Non. Parce qu'à un moment, en VF, il arrive dans un quartier malfamé, il fait « La loi, c'est moi !» Et l'ordre !» Et ça, c'est la réplique. Et ça, c'est... Et bah, imagine ça, tu vois ça ? Sur une fourmi. Et c'est incroyable. La fourmi, la fourmi juge Dredd. Je veux me battre. Je n'aime pas ça, mais je vais me battre. Genre, ça me fascine. Tu vois cette scène dans Gremlins 2 où Gizmo met le bandeau de Rambo ? Oui. Bah, faut imaginer la même avec du coup la fourmi là. Voilà. Et après, sinon, ils n'ont pas gardé les autres voix des acteurs en français. Ils ont tout changé. Donc, c'est des noms plus ou moins connus que je ne vais pas tous les faire. Mais alors, c'est dommage parce que par exemple, dans le film, il y a Danny Glover et c'est Walken, je crois aussi. Ouais, Christopher Walken est dans le film, ouais. Non, c'est Dan Aykroyd qui a. Oui, mais c'est Dan Aykroyd que je cherchais. C'est Richard Barbois, leur voix française. Ah merde. Oui, j'étais un peu triste. Mais voilà, c'est un très bon casting. La VF passe très très bien. Je ne suis pas fan de la VF de Woody Allen. Je joue Bernard Murat. Après, je pense que ça donne en VO, mais le personnage a l'air un peu dépressif, quoi. Bah, en VO, en fait, il a cette voix. Ben, tu vois le style de jeu d'acteur de Woody Allen, tu vois, il a cette voix un peu absent, je sais pas comment dire. Moi, je suis C'est ça en français, ça. Je suis pas le plus gros client de ce que peut faire Woody Allen, mais là, pour le coup, c'est le personnage, c'est Woody Allen, pour le coup, ça, c'est bien vu. Pas bonne VF, mais aucune star. Faisait double. Ok, et bien on passe donc à la musique. Alors avec la musique, en fait, on est pour le coup, c'est pas en termes de BO, je dois admettre, c'est une sélection quand même un petit peu pauvre. C'est-à-dire que sur les miens, il y en a une, enfin il y a une BO qui ressort pour moi vraiment énormément. C'est la suivante. Mais à part ça, c'est assez pauvre et je pense que la pire, c'est la dernière concrètement. Sur les tiens, c'est un petit peu plus riche, mais on n'est pas non plus, on vole pas très haut, ironique pour des fourmis. Et donc, je vais vous tout simplement diffuser un extrait du main theme, du thème principal de Fourmise. Enchaîne donc avec mon deuxième film, on est en 2003, et donc je vais commencer par faire une confidence, c'est pour ce film que j'ai choisi ce réalisateur. J'ai pas forcément beaucoup de choses à dire. Il l'a regretté après. Ah oui, j'ai complètement regretté après, mais pour ce film, je me suis battu, juste pour que Melvin puisse le découvrir. C'est aussi ça l'avantage de faire un podcast, c'est que tu peux montrer des films que tu veux à tes potes, ça c'est cool. Donc, on attaque avec Sinbad et la légende des sept mers. Aucune vague n'est trop forte. Aucune montagne n'est trop haute. Aucun ennemi n'est trop puissant. Pour Sinbad, le plus audacieux voleur des sept mers. Mais le plus grand défi de toute sa vie, c'est le tout nouveau membre de son équipage. Cette année, ils ont une déesse à leur trousse. Danger à chaque pas et toute une cargaison d'aventures. DreamWorks Pictures présente Sinbad. Abandonner le navire n'est pas une option. Alors, donc c'est à nouveau une choréale avec un certain Patrick Gilmore qui n'a fait que ça et le court-métrage L'île des Cyclopes, je vais en parler juste après, d'une durée de 1h26. Ça, c'est un avantage pour l'épisode, c'est qu'on n'est jamais sur des durées trop trop longues. Donc, avec un budget de 60 millions de dollars, Et le film est écrit par John Logan. Est-ce que tu sais qui est John Logan? Le frère de Wolverine. Sinon, j'en sais rien. Cette blague est validée. Mais non, John Logan, c'est quand même le gars qui a scénarisé en toute simplicité Gladiator, Le Dernier Samouraï, Aviator, Skyfall, Spectre, L'Enfer du Dimanche. Le gars Alien est. Covenant. Il a fait Alien Ah, Covenant aussi? pardon. Oui, je viens de tomber là-dessus. Sweeney Todd aussi. Intéressant. Non, mais non, pourquoi tu dis les merdes? Pourquoi tu dis des trucs pas ouf? Rango, il y a Rango, c'est trop bien Non, Rango. moi je suis pas très fan, mais je te la donne. Et donc, il est quand même scénarisé par un mec plutôt bon. À la musique, on a Harry Gregson-Williams, qui est, pour l'anecdote, le frère de Rupert Gregson-Williams, dont on va reparler, donc qui était déjà à l'œuvre sur Fourmise, et qui, bon, entre autres, a aussi fait Armageddon, je vais pas tout redire. Au casting, on a Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, Michelle Pfeiffer, blablabla. Mais je ne l'ai jamais vu en VO. Je ne l'ai vu qu'en VF et je Oh. ne veux pas le voir dans une autre langue que la VF. Parce que dans la Pourtant, VF. j'ai des trucs à dire sur la VF. Ah oui, mais je sais qui fait la VF, mais dans la VF, il y a une de mes répliques préférées et c'est celle en rapport avec l'oiseau. Je pense que tu sais de laquelle je parle. Je pense, oui. Donc, faut savoir que ce film a malheureusement été un semi-échec parce que, il n'a rapporté que 80,8 millions de dollars, mais il avait quand même un plan marketing absolument incroyable et il a eu une réception critique plutôt moyenne. Et faut savoir pour le petit détail technique, peut-être que tu pourras nous en dire plus, c'est un film qui est en animation qu'on appelle le 2D Go. Je sais pas si tu vois, je sais pas si tu pourras nous en parler. Et un peu dans deux mémoires, parce que je ne suis pas ultra renseigné là-dessus, c'est le mix entre la 2D et la 3D, non? C'est pas ça? Exactement, c'est ça, et tu vois ça genre, sur parfois certains décors. Comme dans, par exemple, la planète au trésor. À tout hasard! Et donc faut savoir aussi qu'il a été animé par un certain Bergeron. Peut-être que ça te dit Oh, quelque chose. bah dis donc, est-ce que ça ne serait pas une personne dont on parlera juste après, parce que ce monde est quand même bien fait. Le monde est petit. Et donc ma mission en fait dans ce podcast, j'ai une mission après le reste, voilà, c'est d'expliquer pourquoi ce film est absolument incroyable. Alors, je vais commencer très simplement en disant que ce film, Melvin, toi qui aimes le rythme. Ce film est fait pour toi. C'est-à-dire que de la minute zéro à la dernière minute, il se passe tout le temps quelque chose. Pour raconter rapidement l'histoire, donc on suit l'histoire de Sinbad le marin, inspiré des contes des Mille et Une Nuits, qui se fait suite à une attaque de bateau qui aura mal tourné, se retrouve chargé par Eris, déesse de la discorde, de voler le livre de la paix. Et C'est lors pas de le livre de Vishanti, comme en tout le film, je suis en train de me dire, putain, c'est pas le livre de Vishanti, c'est le livre de la paix, ça n'a rien à voir. J'arrive pas à voir autre chose. Trop de Marvel, ça me tue. Hein. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, il faut pas. Ah Et, bon? ah, j'y ai pensé un petit peu, mais en même temps, ce film, c'est. J'avais pas de mal à me dire, non, non, c'est le livre de la peste. Moi, tout petit, je le voyais ce film, et j'étais en mode, le livre de la peste, c'est celui qui brille, là. Et, sauf que suite à une. Après une entourloupe de la déesse de la discorde, on ne s'y attend pas avec un nom pareil, il se retrouve à devoir partir jusqu'au royaume des morts pour retrouver donc ce fameux livre de la paix. Pourquoi est-ce que j'adore ce film? Je vais procéder en trois points. Déjà, l'aventure. C'est-à-dire que c'est le genre classique de film d'aventure que j'adore. On retrouve la même chose dans La Planète au Trésor ou dans Atlantide, qui date de la même période. C'est-à-dire que le film va redoubler d'inventivité pour proposer toujours des situations un peu improbables, mais qui, moi, m'emportent toujours. C'est-à-dire que en un film, on a quand même une attaque de monstres marins dans les 5 premières minutes du film. Faut savoir, moi, j'adore les monstres marins, donc j'étais content. Enfin, ils sont plus bassins. Ah ouais, les grosses bébêtes sous l'eau, moi, ça me parle. On a un ride avec un poisson géant. Voilà. On a des sirènes. On a des dieux. On a une déesse de la mort. On a des. Je ne vais pas tout déflorer, mais voilà. Ensuite, les personnages. J'adore tous les personnages du film. C'est-à-dire que Sinbad, même sur l'écriture de son personnage, je la trouve assez belle. C'est-à-dire qu'il commence en étant l'espèce de beau gosse un peu prétentieux. Ce qu'il va rester un petit peu à la fin, mais où il va malgré tout apprendre à s'ouvrir, c'est assez convenu, mais je sais pas, sur moi ça fonctionne et je trouve quand même ça pas mal fait. On n'est pas dans du Lubitsch, mais c'est une écriture que je trouve malgré tout super efficace. Le personnage de Marina, qui est un peu en retrait, on va pas se mentir, c'est un des petits défauts du film, c'est qu'un personnage féminin, c'est un peu triste, mais malgré tout, elle n'est pas en reste. C'est-à-dire que c'est un personnage féminin que je trouve quand même assez fort, qui va quand même plus d'une fois sortir tous les personnages de la sauce, qui a une évolution qui est finalement celle d'une rêveuse, qui se retrouve, qui va se libérer de ses attaches. Ça, tous les personnages de Sinbad, je les adore. C'est que ce soit Kane qui me fait mourir de rire plus d'une fois, c'est-à-dire que la scène avec les sirènes où tu le vois faire le beau gosse, de faire « je vais vous dire des mots d'amour », moi ça me fait rire. Le rat avec son accent, je sais pas s'il a l'accent en VO, j'ai pas vérifié, mais en VF ils lui ont fait un accent absolument improbable. Et qui c'est le doubleur? Les deux, vas-y. C'est Eric Métayer. Eric Métayer, c'est pas en tout cas pour moi, ça restera quand même Bob Razowski pour toujours. Génial. Il a ce côté Bob Razowski. Après ça, on a les deux frères asiatiques sur le bateau. J'adore ça. Ensuite, l'humour du film, c'est un humour qui va être vraiment drôle. C'est pas forcément un humour raciste. C'est quoi? C'est un humour qui est juste super drôle. Typiquement, la scène où Sinbad découvre que Marina s'est embarquée à bord de son bateau et se demande comment il a pu monter. Et là, tu vois juste plan sur Sinbad, contre-champ sur tous les membres de son équipage qui ont tous un diamant à la main. Moi, ça me fait mourir de rire, vraiment. Bref, c'est un film que j'adore. Je trouve que même techniquement, on peut se dire que le film a un petit peu vieilli. En le revoyant pour la, je sais pas, 40e fois, je me suis fait la remarque. C'est vrai que le film a un petit peu vieilli sur l'animation. Il y a un côté 3D, 2D un petit peu bizarre. Non, c'est pas ça. C'est la 3D tout court qui pose problème. Je suis désolé, mais le monstre marin du début, c'est pas très beau. C'est pas très beau, mais je le trouve même pas si moche que ça, perso. Vraiment, je le stack. Pour le coup, la planète au trésor, je ne sais pas quelle année c'est, mais je trouve ça beaucoup mieux fait. Oui, c'est vrai que la planète au trésor est mieux faite, mais même ici, sur le monstre marin, je trouve que comme c'est un monstre et qu'il a de base un design vraiment dégueu, ça me... mais dégueu dans le sens, pas dans le sens, il est moche, dans le sens, il est vraiment, vraiment crado, quoi. Mais moi, ça me dérange vraiment pas tant que ça, la 3D du film. Il y a certains plans sur les bateaux, tu te dis bon, ok. Mais en global, moi, c'est une histoire, une ambiance et un film que j'adore. Et surtout, c'est typiquement les films d'aventure, comme La Momie, qui est sortie à la même période, il me semble. Donc, le film, c'est 2003, La Momie, c'est 99. C'est des films d'aventure fantastiques, mais que j'adore. Vraiment, aujourd'hui, on fait plus ça. Et c'est pas pour dire que c'était mieux avant ou quoi, mais c'est des films qui me manquent. C'est vraiment des films d'aventure que. Enfin, typiquement, Sinbad, c'est un film, je pourrais le revoir encore et encore et encore, je me dirais toujours, mais qu'est-ce que c'est bien. Et toi, Melvin, alors il faut savoir, Melvin ne m'a pas dit ce qu'il pensait du film, donc qu'as-tu pensé de Sinbad? Alors, j'ai du pour, j'ai du contre. Aïe. Donc, Sinbad, on est d'accord que c'est des livres, des contes. Oui, à la base, c'est adapté de contes, ouais. Qui n'ont rien à voir avec Ulysse. Non. D'accord, parce que j'ai quand même l'impression de regarder Ulysse, de l'Odyssée de Homère. Il y a cette vibe, après, pour le coup, moi, ça me saute pas aux yeux, tu vois, c'est une aventure maritime fantastique, je trouve qu'elle arrive quand même à se trouver une vraie identité. T'as les sirènes, t'as, à la fin, il parle du cyclope, il y a plein de trucs comme ça, ou même le truc du père, du fils, ça m'a quand même fait beaucoup, beaucoup penser. Mais bon, c'est pas un défaut, moi, tant mieux, j'aimais Ulysse. Et non, alors, j'ai bien aimé, parce que, comme toi, les trucs d'aventure, comme ça, j'aime bien. Mais je suis pas non plus ultra enthousiaste et je vais pas le revoir 15 fois. Parce que, en fait, j'ai pas été pris dans l'histoire que je trouve un peu facile. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi il fait tout ce voyage. Enfin, pourquoi il fait tout ce voyage, mais pourquoi la méchante le laisse faire. Et en fait, ça me sort un peu. Parce qu'elle est persuadée qu'il va pas revenir. Elle le dit tout à la fin, c'est qu'elle savait qu'il allait venir, mais elle était persuadée qu'il allait pas revenir. D'accord, mais alors, à ce moment-là, pourquoi lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'il vienne? T'as perdu ton âme d'enfant. Voilà. Voilà. Et non, en fait, j'ai un peu de mal avec le scénario du film qui ne m'a pas transporté. J'ai forcément comparé ça à Pirates des Caraïbes aussi à certains moments. Donc ça m'a... Oui, ça m'a de l'avoir. En fait, je l'ai vu. Mais c'était avant Pirates des Caraïbes. Oui, non, mais je ne dis pas le contraire, mais comme moi, je l'ai vu, je l'ai découvert que maintenant. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà vu, sans l'avoir vu. C'est un peu ça qui me dérange. C'est que j'étais là, j'ai rarement été surpris. Après, c'est ma faute parce que je l'ai découvert sur le tard. Peut-être qu'à l'époque, si je l'ai découvert enfant, pas du tout. Mais voilà, c'est ma faiblesse avec le film. Après, non, c'est l'animation. Bah, à part la 3D pas très belle, c'est impec. Je trouve vraiment l'animation super classe. Hein, genre les combats à l'épée, je pense à celui du début, il est super propre. C'est juste la 3D que j'aime pas. Que je trouve assez moche. Ça, c'est récurrent sur tous les films. Hein. Ça, c'est... Non, il y en a un, je ne suis pas d'accord. Mais on en parlera. Et après, oui, les personnages sont super bien écrits. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de personnages secondaires, mais on sait à peu près tous qui ils sont. Bon, comme tu dis, l'équipage, ils ont tous leur rôle. Et c'est l'écriture des personnages des deux héros, si je puis dire, Sinbad et Marina, ça fonctionne très, très bien. Ah, ils ont une alchimie, je trouve, entre les deux qu'ils ont réussi à mettre que j'aime vraiment énormément. Et également sur les personnages de l'équipage, il y en a un que j'ai pas cité mais qui me fait beaucoup rire, c'est celui qui a 40 000 armes sur lui. Et au début, quand il arrive au palais, on lui dit « Ouais, mettez vos armes sur la table » et tu vois, il en sort une, deux, trois, quatre, cinq. C'est un gag vu et revu, mais moi, vraiment, ça me fait toujours marrer. Quoi. Genre, il sort un nombre de trucs, tu te dis « Mais comment il a ça ?» Ça me fait rire. Et Spike ! Spike ! Le chien ! Oui, ça, j'étais sûr que t'allais en parler. J'ai vu, je fais, oh, il y a un monstre marin et un petit chien. C'est bon. J'ai alors, compris pourquoi il aime. Petit chien, je sais pas, mais il m'explose de rire, ce truc. C'est-à-dire que déjà, alors, la scène d'intro, spoiler, c'est ma scène préférée. C'est quoi ? C'est-à-dire que on voit déjà Eris. Alors, faut savoir que quand j'étais petit, j'avais pas un crush sur Marina, j'avais un crush sur Eris. Voilà. Donc, tu sais pourquoi ça ? Parce qu'en VF, c'est doublé par la VF de Michel Pfeiffer. Oui, c'est Michel Pfeiffer aussi en VO. VO. C'est juste pour ça. Hein. Je te connais. En VF, c'est Monica Bellucci sur Marina, donc normalement... Non, mais ça, j'en parlerai de Monica Bellucci. Et en fait, donc, on voit quoi ? On voit Eris, ensuite on voit une attaque de bateau. Donc déjà, moi, ça m'a pris. Qu'est-ce que c'est que cette attaque de bateau ? C'est Sinbad, donc il faut imaginer... super badass, deux épées, le gars il est acrobate, il fait des trucs avec ses épées, c'est génial. Genre, lorsqu'il, typiquement, quand je le vois se planter sur ses deux épées et faire un tour, avec, tu sais, genre faire donner des coups de pied à tous les soldats là, avec la musique en fond, moi déjà le film il m'a eu dans ses deux premières minutes. Donc c'est ça. Et comment il attaque le bateau ennemi ? Il demande à son chien de tirer un os, ce qui déploie des lames sur les côtés de son bateau. Comment tu veux que je sois pas amoureux du film avec ça ? Et un monstre marin. Je veux dire, moi, dans les 10 premières minutes, le film, c'est une lettre d'amour, tu vois. Mais après, je pense aussi, j'ai honnêtement un attachement d'enfance à ce film. Je suis le premier à l'admettre, mais honnêtement, c'est vraiment un film qui, ça m'énerve qu'il n'ait pas eu de succès, parce que faut savoir qu'après, avec le film, il y a eu un court-métrage qui s'appelle L'île des Cyclopes, qui est dans le DVD français du film, si vous le trouvez. Et ce court-métrage, alors déjà, ne le voyez pas en VF, c'est pas la même équipe de VF, et la VF de ce court-métrage est cataclysmique. C'est vraiment un scandale. Et même le court-métrage est vraiment pas fou, c'est-à-dire que c'est... En fait, il dure 4 minutes, et en 4 minutes, on se fait chier, c'est un peu, c'est vraiment pas terrible. Mais ça m'énerve que ce film n'ait pas eu de succès, et qu'il soit globalement tombé dans l'oubli aujourd'hui, parce que il a cette vibe film d'aventure qu'on fait pas aujourd'hui, tu vois, c'est... Je veux dire, l'humour, comme je l'ai dit, c'est pas un humour problématique, c'est un humour vraiment drôle. Aussi, typiquement, lorsque Sinbad fait « Ouais, j'avais une épée sur ma tête, une épée sur ma gorge, une épée sur mes... » Et là, tu vois quelqu'un sortir faire cornichon œuf dur. Enfin, c'est pas subtil, mais faut la voir, et quand tu l'as, elle est marrante, quand même. Dis-moi, ose me dire que tu n'as pas rigolé. Ok, j'avoue. Voilà. Mais... Non, honnêtement, c'est un film que je pense qu'il faut réhabiliter très sincèrement et qui ne mérite pas l'insuccès qu'il s'est pris. Enfin, moi, j'aurais aimé qu'il ait du succès parce que, enfin, dis-toi, si tu vois, faut se dire, La Planète au Trésor, ça a aussi été un petit bide, ça a pas été un gros succès. Atlantide, pareil. Imagine ce que serait devenu, imagine la vague, enfin, même Eldorado dont on va parler plus tard. Imagine ce qu'aurait été si on avait eu une vraie vague de films d'aventure un peu comme ça dans les années 2000. Elle le sait bien. Et donc, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, parce qu'il n'y en a aucun qui a marché de film d'aventure comme ça, que ce soit Disney, DreamWorks ou des trucs indépendants. Mais je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Un peu trop adulte. Bah, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que quand tu es enfant, tu ne comprends pas forcément toutes les blagues. Genre, typiquement, la blague de Cornichon œuf dur, tu ne vas pas forcément y penser quand tu es enfant, mais quand tu es adulte, elle fait marrer. Quand tu es adulte, tu peux trouver ça un peu trop enfantin, mais moi, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que moi, franchement, je le revois à nous, je peux le revoir quand tu veux, il n'y a vraiment pas de problème. Et même. Je trouve que autour du film, il y a une vraie émotion. Moi, la fin avec Sinbad, elle me fait un petit peu serrer la gorge quand même. Ça, c'est. Je sais pas, bon, après, peut-être que la musique ultra pompière joue, je suis très sensible à ça. Mais voilà, honnêtement, Sinbad, c'est un film que j'adore, sincèrement. C'est pas un film parfait, à nouveau. Je le trouve peut-être un peu court. C'est-à-dire que je dis qu'il y a plein de trucs, mais il y a peut-être un peu trop d'événements. Je pense que 10 minutes de rap n'auraient pas fait mieux. Enfin, selon moi, 4 heures de rap m'auraient plu aussi. Mais voilà. Ça me rend triste que ce film n'ait pas marché. Ouais, comme tous les films d'aventure de l'époque, et c'est vrai que c'est un genre. Après, d'une part, j'allais dire, peut-être qu'on en a trop eu en même temps, mais il n'y en a aucun qui a marché. Donc, je sais pas trop. Je pense que c'est trop pas intelligent, mais trop pour adultes. Pas trop référencé, trop. Je sais pas. Tu vois, c'est ça qui. Je sais pas, vraiment, moi ça me rend vraiment triste que ce film, Manu, que ce film n'ait pas marché, mais sincèrement, redécouvrez-le, et enfin, mais tu peux pas dire que ce film t'a fait passer un mauvais moment. Je veux dire, oui, c'est Non, convenu, non, mais t'as forcément souri à plusieurs. Genre, les lames qui sortent du bateau, est-ce que c'est pas trop stylé? mais j'ai pas dit que j'ai pas aimé. J'aime beaucoup, c'est juste que je ne suis pas aussi emballé que toi. Après, à nouveau, je pense que j'ai une part d'emballement de jeunesse, mais quand même, voilà, j'adore ce film, j'adore la musique du film, et même l'animation 3D, elle me dérange pas, mais je trouve que le film arrive quand même à avoir des super beaux plans. Genre les plans sur Syracuse, je les trouve vraiment trop beaux. Ça manque un peu de chanson. Non, je déconne. Ça va. Ouais, mais tu vois, ça, justement, pourquoi La Planète au Trésor est aussi un de mes dessins animés préférés, mais bizarrement, il n'y a qu'une chanson et elle est hors diégèse. Mais donc voilà, j'adore ce film. Voyez-le, redécouvrez-le. Et c'est dommage qu'il n'ait pas marché tout simplement. Est-ce que j'ai déjà parlé de ma scène préférée? Est-ce que tu veux parler de la tienne éventuellement? J'aime beaucoup la scène des sirènes. Parce que déjà les sirènes qui ne sont pas vraiment des sirènes, enfin si c'en est, mais elles sortent de l'eau en forme d'eau, c'est très stylé. La scène est très drôle, très épique, et vraiment parfaite. Et pour le coup, sur cette scène aussi, la 3D peut être un peu étrange, mais je trouve que ça va avec la situation du film. C'est-à-dire que comme la 3D n'est pas forcément incroyable, ça donne un côté assez dérangeant aux sirènes. Non, mais ça, là, pour le coup, là, ça fonctionne bien. Ah, quelques récifs un peu, voilà, mais ça fonctionne bien avec la 3D. Plus que les monstres marins. Désolé, il m'a traumatisé celui-là. Non, mais la scène. Ouais, mais gros monstre avec des tentacules, moi je peux pas, forcément je souris. Mais. Avec aussi un moment de base avec les voiles. Ça, je trouve c'est aussi très ingénieux. Ah, les voiles, attends, je te dis, moi, c'est les lames sur le côté tirées par le chien, j'adore ça. Et également, je me permets de dire, en autre scène que j'adore la scène de l'oiseau de glace, avec cette réplique, qui est donc, Marina se fait kidnapper par Sinbad, à ce moment-là, Sinbad, badass man, accroche des couteaux à ses pieds, prend des couteaux, genre deux couteaux dans les mains, bam! Il demande à son chien de tirer un truc, hop là, il tire un grappin, il fonce en haut de la montagne. Et en grimpant, il sort cette phrase que je trouve exceptionnelle en VF, qui est. Elle l'a pas vu ce piaf, pourtant tout le monde l'a vu, il était très gros comme un truc, très gros. Faut imaginer Patrick Bruel dire cette phrase, c'est absolument incroyable. Avant la VF, je parlais rapidement de la musique. Bah, la musique, comme tout le reste du film, enfin, je la trouve en tout cas absolument exceptionnelle. Toi, Melvin, est-ce que tu as un mot à dire dessus rapidement? Très bonne, mais pas sûr que je m'en souvienne. T'inquiète pas, je te la ferai réécouter. Vraiment, enfin, bref, c'est une musique que j'adore, et pour le coup, toute la BO vaut le coup, c'est-à-dire le morceau de l'arrivée à Syracuse, le morceau du sauvetage avec le poisson, enfin avec l'oiseau, le morceau du poisson, bref. Toute la BO vaut le coup, elle est vraiment super sympa. Et le morceau qu'on va vous diffuser, c'est Let the Game Begins, qui est le morceau d'intro, c'est-à-dire le morceau de l'abordage du premier bateau de Proteus, l'ami de Sinbad. Et bah on espère simplement que vous allez apprécier ce morceau. Est-ce que tu peux nous parler de la sublimissime VF de ce film? Et oui, parce que cette fois, on a un casting de fou en VO comme Brad Pitt, pour n'en citer qu'un. Et donc, ce n'est pas les doubleurs. On a des stars. Par là, j'entends Patrick Bruel sur donc Sinbad, qui fonctionne très bien. Mais Patrick Bruel est un étrangement très bon acteur, je trouve. Et après, J'aime beaucoup Patrick Bruel, moi j'aime vraiment beaucoup Patrick Bruel. on a beaucoup de doubleurs connus, comme j'ai déjà dit, Éric Méteillé. On a Damien Ferrette sur Proteus, qui est le doubleur récent de DiCaprio, par exemple. Des noms comme ça. Et par contre, on a, mais ça, je suis désolé, mais je n'ai pas laissé passer, Monica Bellucci sur Marina. Elle Atroce. est très bien. Non. Non. Elle est très bien, déjà, je te dis. Avec son accent, là, qu'est-ce que ça vient faire ici? Tu sais ça, pas. Ça, c'est raciste. Et, non, mais ça colle pas au perso. Ils disent qu'elle vient du sud, donc moi, ça me dérange pas. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est cohérent. Mais les émotions, elles sont pas là. T'as l'impression qu'ils parlent tous, elle n'est pas sur le bateau, elle n'est pas là, je sais pas. Non. Déjà, je suis pas fan de Bellucci de base, c'est vrai. Ouais, tu dis ça parce que t'aimes pas Irréversible. J'ai pas vu Irréversible. Pas encore. Mais non, moi ça passe pas Bellucci sur Maria. Ça me sort du film. Hein. Autant la VF, elle est parfaite, sauf elle. Elle, ça va pas. Alors, bon, en tout cas, tu peux concéder que la VF de Sinbad, elle est géniale. Ah, mais Patrick Bruel, il fait un très bon doubleur. Hein. Mais moi, en tout cas... Au théâtre, en doublage. Et faut savoir que la VF de Eris aussi, je la trouve vraiment, vraiment super. Donc la VF de Michel Pfeiffer. Ouais. Mais non, moi, Marina, vraiment, ça m'a pas dérangé. Hein. Je trouve qu'elle a un charme, j'aime bien. Oh non. Ouais, tout ça parce que t'imagines Bellucci toute nue, c'est tout. Alors, depuis que j'ai vu Irréversible, je ne peux pas imaginer Bellucci comme ça. Enfin bref, merci beaucoup. Et donc on s'attaque au troisième film de la carrière de ce cher Tim Johnson, qui est Nos voisins les hommes. Le préféré de Corentin. Non. Ou pas. Il n'y a presque plus de forêt. Dans leur royaume, il a poussé des maisons. Ces hommes-là, ils ne veulent pas de nous. Sauf qu'il peut. Pour eux, c'est une question de survie. Et la nourriture, alors? Très facile. De la nourriture, je sais où il y en a. Juste derrière la haie. Mais ils vont avoir à prendre une décision capitale. On ne veut rien avoir à faire avec ce qu'il y a derrière la haie. Lequel? Écoutez. Je vous ai compris. En fait, bienvenue au paradis. Il a peut-être plus d'un tour dans son sac, mais tout de même, il ne marche pas sur l'eau. Ça gazouille, les amis. Riton. C'est un 4x4 monovolume 2 litres. C'est drôlement grand. Il en tient combien des humains là-dedans? En général, un. Verme. Bonjour, petit. Insecte. Non, bouge pas. C'est bourré. Et jeune gratouille de dos. Et voilà. Zami. Je suis un grand écureuil enragé. Derrière toi. Ozzy. C'est une tradition chez les opossums de faire le mort. Adieu, monde cruel. Je peux tâter? Non. Et Stella. Coup de crisou. Appuie-toi. Merci, Stella. Oh, je te fais le ménage, moi. Prochainement. Tu veux que je te montre ce que je sais faire avec mes doigts? Ça me fait plaisir, Jamie. Très plaisir. DreamWorks Animation, les créateurs de Shrek et Madagascar, présentent... Là, je dis stop et je saute non, sur le train. Bonjour. Bonjour. Nos voisins les hommes. Tu es le diable. Nos voisins les hommes, donc sorti en 2006 d'une durée d'1h25, à nouveau je répète, mais quand les films sont pas exceptionnels, le fait qu'ils soient courts les rend déjà plus agréables. On est sur un budget de 80 millions de dollars, on reste toujours sur les mêmes recettes de budget. Le film co-réalisé avec Carey Kirkpatrick, scénariste, et surtout un scénariste, il a fait les chroniques de Spiderwick, H2G2, Chicken Run. Je le remercie surtout pour Chicken Run. À la musique, on a le petit frère, à savoir Rupert Gregson-Williams. On avait déjà vu, il avait fait Tu ne tueras point, Aquaman, Wonder Woman, bref. Et Zimmer a participé à la production musicale. Je cherche sa patte. Au casting, alors j'ai pas noté tout le casting, mais on a Bruce Willis qui fait un raton laveur, Steve Carell qui fait un écureuil sous coke. J'ai l'impression que c'est une constante hein, entre le chaperon rouge et ça, les écureuils sont souvent coqués. Et Avril Lavigne qui joue une musaraigne, un rat, je sais pas. T'as oublié, il y a Eugène. Si je te dis que le film a été présenté à un événement cinéphile très réputé, est-ce que tu devines lequel? Bah, vu comme ça, par Cannes. Présenté à Cannes. hors compétition. Mais il a été Voisin les Hommes a été présenté à Cannes. Bah après, tu sais, Gang de requins a été nominé aux Oscars. Hein. Donc. Quelle catégorie? Bah, animation. Je vais pleurer, non, bah. J'ai envie de te dire, allez, c'est l'époque de début de l'animation. On est comme ça, c'était quand même une grosse ampleur. Donc, je suis pas étonné qu'il soit à Cannes. Il y a beaucoup de films qui sont. Je te dis, un grand. Ouais, mais je peux pas m'empêcher d'imaginer, tu sais. Thierry Frémaux qui se fait trois films d'auteur dans la journée et qui se termine devant un écureuil sous coke qui va réciter l'alphabet en rotant, tu vois, c'est. Je sais pas pourquoi ça, l'image me fait beaucoup rire. Détendant. Oui. Donc, le film s'inspire d'une petite bande dessinée, voilà, comme ça. Pour ce qui est de l'histoire, on va donc suivre Riton, le raton laveur, qui tente de voler la nourriture d'un ours, mais par nourriture, c'est pas genre du miel, de la viande, non, c'est genre des chips, des bonbons et autres trucs. Et l'ours va le choper, toute la nourriture va être détruite, et l'ours va lui dire qu'il a une semaine pour récupérer toute la nourriture, sinon il va venir le dévorer. Riton va ensuite se retrouver avec une bande de joyeux lurons, pourra-t-on dire, de joyeux animaux, parmi lesquels une tortue, deux opossums, donc selon Melvin, une moufette, un écureuil sous coque, et j'en passe. Et ensemble, ils vont tenter un plus ou moins Ocean's Eleven avec des animaux dans une banlieue pavillonnaire. On peut dire ça ? Plus ou moins. Alors, bon, en fait, ce film est atteint du même problème que Fourmise visuellement, qui est sa bave. C'est-à-dire que l'animation est nickel, mais ça bave, même si ici, c'est un peu plus propre. Et on va commencer par le truc, qui est que j'ai d'abord cru que le film avait une morale du style « Hey, t'es mal, capitalisme, c'est quand même vachement cool, non ?» J'ai rien contre ça, hein, mais bon, pourquoi pas. Et je vais admettre quelque chose, statement. Le film a beaucoup de défauts, c'est-à-dire que déjà, il fait que 1h25, mais on a un peu l'impression qu'il tire en longueur quand même. Le doublage VF, parce que je l'ai vu en VF, est pas fou. C'est-à-dire que j'ai vu la moitié en VF et l'autre moitié en VO, parce que je voulais la VO de Steve Carell pour l'écureuil. Il y a plein de situations complètement pétées, genre ce moment où une moufette va draguer un chat. Ok. Mais j'ai quand même passé un super moment. C'est-à-dire que je peux pas dire que le film est bien, je peux pas dire que le film est super, etc. Mais honnêtement, il y a vraiment des gags qui m'ont fait marrer. Genre, typiquement, toutes les scènes de braquage, le montage où ils vont aller braquer des trucs pour récupérer des chips ou quoi. Enfin, ça m'a fait rire. Après le film, voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire, juste franchement, ça a été un peu rigolo quand même, malgré tous les défauts du film. Et finalement, la fin me donne tort, parce que finalement, le film a une morale de fin tout à fait noble, même si je suis pas sûr. Mais c'est un peu forcé, hein. Oui, un peu forcé, mais tu vois, au final, c'est gentil, c'est bon enfant. Et moi, tu sais, voir un ours, une pain-bêche, et c'est pas un jugement de valeur, hein. Dans le film, elle est décrite comme ça, et un dératiseur sadique se faire arrêter pour avoir violé la convention de Genève, ça me fait quand même bien rire. Et toi ? C'est vrai. Alors moi, je l'ai découvert l'année dernière, et j'avais vraiment bien aimé. Pour l'époque, ça change un peu, on est sur quand même autre chose qu'un truc d'aventure, ou un truc un peu plan-plan, quoi. Tu penses à mon film d'après ? Possiblement. Et non, c'était vraiment sympa. Il y a des. Après, comme tu dis, hein, c'est du braquage avec des animaux. Moi, quand c'est du braquage, j'aime bien. Mais non, il y a des vraies bonnes idées. Ocean's Eleven avec un raton laveur qui te fait ça ? Et un écureuil sous coke. Rappelons-le. Mais donc, je trouve qu'il y a deux, trois bonnes idées. Dans les plans élaborés, ça s'adapte vraiment à l'aspect animaux et petits, en fait, parce que les humains, on les voit toujours d'en bas. Je pense notamment à ce merveilleux personnage qui est l'exterminateur, qui me fait mourir de rire à chaque fois. Avec son petit crâne chauve, là. Oui. Et non, je trouve les personnages sympas, c'est pareil, ils sont je sais pas combien, il y en a énormément, ils sont plus ou moins pas bien écrits, mais on sait qui est qui, et ils sont toujours là. J'avoue que la tortue me gonfle un peu, par contre. Verne, oui, mais lui, c'est son rôle aussi qui veut ça. C'est-à-dire, c'est celui de le rabat-joie un peu qui va pas. Qui veut être, qui est tout le temps un peu à protéger, à dire. Oui, non, attention, on fait pas. Donc, c'est plus son rôle qui veut ça. Oui, mais bon, il change jamais, quoi. Du coup, c'est un peu lourd. Et non, et en fait, c'est le début d'un peu de constante dans les films d'animation de DreamWorks, c'est que j'ai l'impression que ça va être cette même formule tout le temps maintenant. Parce que je sais plus ce qu'il y a eu après, c'était. En fait, c'est depuis Gang de requins, j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même chose. Et oui, t'as Nouveaux les hommes, après c'est Souris City, B-Movie, et ça se répète, quoi. Encore, encore et encore. Donc c'est parce que c'est le premier qui fait que ça passe. Mais voilà, c'est pas incroyable, mais je passe un bon moment le voyant. On va dire ça. Ouais, si tu veux, on est quand même dans la misère chez DreamWorks, c'est-à-dire que juste après Nos voisins les hommes, je suis en train de regarder, on a Souris City qui était quand même très très très mauvais. B-Movie. Quoi ? Non, c'est incroyable Souris City. Souris City, c'est horrible. Non, c'est génial Souris City. Non, je peux pas. Ah bon, okay. On peut se mettre d'accord que B-Movie, après, c'est pas bien. Non, B-Movie, c'est pas bien. Souris City, c'est bien. Après, on a Shrek 3. Voilà quoi. Après, ça, c'est, en fait, ça se dépend. Ils font un peu par un coup. C'est-à-dire qu'après Shrek 3, on a quand même Kung Fu Panda. Ça, c'est bien. Madagascar, Monstre contre Alien. J'aime beaucoup Monstre contre Alien. On a Dragon. Petit Dragon. Ouais, attends, on a Dragon. Ah ouais, non, après, ouais, en 2010, il y a quand même Megamind. Et ça, c'est quand même c'est très mauvais aussi. C'est incroyable, non, Megamind. Megamind, c'est horrible. Toute mon enfance, c'est incroyable, Megamind. Un Superman et un méchant qui est pas si méchant que ça, qui a une grosse tête bleue et un homme de main poisson dans un bocal. C'est Brad Pitt qui joue Superman. Ouais, je sais pas comment il s'appelle, la Metroman, je sais pas quoi. Metroman ou un truc comme ça. Ouais, mais oui, c'est Brad Pitt. Ok, et si on. Attends, c'est quoi tiens, on va faire un petit jeu. Je te donne des trucs récents de Pixar et tu réagis rapidement. Les 5 légendes. Ça, c'est génial. Ça tue les 5. Les Croods. Non, il y a Nicolas Cage, c'est tout. Hein. Oui, Turbo. Non, mais tu me poses que. Là, on tombe dans le fond, là. Ah oui, c'est que le fond. Même si Turbo, ça m'a toujours fasciné de dire le brainstorming avec les gars de l'équipe. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait comme prochain film? Cars, ça a marché, on pourrait faire pareil avec des animaux. Ah ouais, mais avec quoi? Je sais pas, des films sur les escargots, ça n'existe pas. Allez, on fait ça, un film avec des escargots qui vont vite. Waouh! Wow. Baby Boss. C'est pas le pire, hein, Baby Boss. Ok, bah tu sais quoi, on va aller vraiment racler le fond. Et Capitaine Super Slip. Je l'ai pas vu. Oh, tu devrais. Non, ouais. Ça veut dire ça que DreamWorks, en fait, c'est un peu triste. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait. Moi, j'aurais pas peur de le dire, mais pour Dragon, Kung Fu Panda, des chefs-d'œuvre, vraiment. Mais après, ils vont te faire des trucs, putain, c'est quand même compliqué. J'ai oublié le capoté. Mais par contre, ils sont revenus avec les Bad Guys cette année. J'ai toujours pas vu. C'est vrai, on en avait parlé au début d'année, mais il est bien du coup. Ouais, c'est vraiment sympa. Bah, c'est Ocean's Eleven avec des animaux, quoi. Version 2. Ouais, c'est le deuxième du coup. Voilà. Non, je peux le préfère à Nos voisins les hommes. Mais non, c'est vraiment sympa. Puis ça, ils reviennent un peu au 2D du coup. C'est ce qui leur réussit parce qu'en fait, pour le coup, après Nos voisins les hommes, ce qui est un peu triste, c'est que c'est un effet dont j'ai déjà parlé aussi rapidement, mais. Qu'est-ce que j'appelle le catalogue Playmobil, tu sais, c'est quand tu regardes les arrière-plans et c'est vide, c'est une espèce de long vide un peu effrayant. Mais bon, après Nos voisins les hommes, pour le coup, ce que j'en retiens, c'est plus une succession de gags et de sketchs qui va être un peu rigolo. C'est-à-dire, à nouveau le training montage où ils vont braquer des trucs, ou le chien qui gueule joujou, ça c'est marrant, tu vois. C'est... Mais oui, bon, il y a toujours ce côté un peu adulte, je trouve. Tu auras un peu moins dans le film d'après. Adulte, je suis même pas. Je sais pas trop où tu le vois, parce que pour moi, c'est quand même vachement typé enfant, quoi. Oui, mais il y a deux, trois dialogues comme ça, quoi. Ouais. Même du coup, de faire passer l'écureuil pour quelqu'un d'enragé, c'est une méthode qui me fait beaucoup rire aussi. Oui, typiquement, des trucs comme ça, ça me fait rire, ou même l'opossum là, qui simule la mort. Et qui fait oui. je vois une lumière et je tombe. Et... Ça, c'est marrant, ça. Mais ouais, c'est deux, trois points comme ça qui sont sympas. Ouais, mais après, pour le coup, Nos voisins les hommes, j'avoue que j'en ai un meilleur souvenir que Hans, enfin, Fourmis, du coup. Mais c'est quand même pas grand chose. C'est pas horrible. Je passe pas non plus un mauvais moment devant, mais je le vois, je le termine et c'est bon, je passe à autre chose. Oui, c'est un peu le problème. Est-ce que toi, tu retiens quelque chose, une scène en particulier du film? La scène de, où ils vont voler la nourriture de nuit. Ouais. Il y a l'écureuil qui occupe le chien. Eux, ils sont avec du papier cellophane pour essayer de récupérer la nourriture et tout. Enfin, c'est tout un plan. Hein. Bah, c'est élaboré. C'est Ocean's Eleven avec un raton laveur. Quoi. Voilà, ça, ou le jardin avec les pièges que met l'exterminateur. Ça me fait. Le truc, je sais plus comment ça s'appelle, le truc 3000. Là. Justement, ma scène préférée en rapport avec celui-là. Ah, bah, je te laisse alors. Bah, moi, ma scène préférée, c'est à la fin, lorsque l'ours, l'exterminateur et la mère, là, se font mettre, prendre au piège par le truc. C'est-à-dire que, déjà, là, ils se font complètement cramer. On voit tous les animaux avec des pop-corns et des lunettes. Donc, là, ça, c'est marrant. Et juste après, non, c'est le truc qui m'a fait un peu rire, quand même. C'est lorsque la mère se fait arrêter pour avoir violé la convention de Genève. Et tu vois l'ours se faire embarquer en arrière-plan. J'ai craqué, ça m'a eu, j'ai rigolé. Bah oui, c'est marrant. Sur la VF, sur la musique du film, bah, là je passerai un extrait du thème principal, mais j'avoue que c'est pas. Bah, comme je l'ai dit, c'est pas marquant du tout, c'est un peu triste pour le coup. Ouais, je passerai juste un petit extrait du thème principal. Sur la VF du film, est-ce que la VF est un peu plus marquante que ce film au final? Alors sur la VF, deux choses. La première, c'est que ça y est, on passe dans les titres de films qui traduisent dans les. Qui ne traduisent plus littéralement et qui disent oh tiens, Over the Edge, c'est nul, on va prendre Nos voisins les hommes. C'est bon, en plus, mieux. C'est complètement con parce que pour le coup, Over the Edge, je trouvais le titre original vachement bien. Non mais ça, tu vois, c'est une constante dans le film d'animation à partir de ces années-là. Shark Tales. C'est pas le pire. Genre, En route, c'est quoi? C'est Homme, je crois. Ouais, mais après, ça, pour le coup, il y a un délire avec l'album concept de Rihanna, j'en parlerai juste après. Mais, déjà, on change le titre. C'est pas un problème. Et alors, sur la VF, on a tout un paquet de stars. On a, sur le raton laveur Riton, c'est Clovis Cornillac qui fait un très bon travail, je trouve. Un peu mieux que Laurent Gérard sur la tortue. Non. Laurent Gérard, j'ai pas trouvé ça incroyable. Tu m'étonnes. Après, j'avoue, j'en ai aucun souvenir, mais on a Jennifer sur Violette, l'opossum. Et après, c'est des doubleurs. Donc, on a Emmanuel Curtil, donc la VF de Jim Carrey. On a notamment Jérôme Powells sur l'écureuil. Et Jérôme Powells, c'est incroyable que ce soit l'écureuil, c'est la VF de Woody Harrelson ou Jeremy Renner. Quoi? Tu vois là. Ouais, je vois bien la VF de Woody Harrelson, ouais. Du Protecteur dans The Boys, c'est lui aussi. C'est le même gars qui double Homelander et Woody Harrelson. Ouais. Et génial. De le voir sur l'écureuil avec un rythme de parole très rapide, ça me fait beaucoup rire. Les écureuils sous coque, toi, ça te fait toujours rire. Hein. Voilà, moi j'aime ça. La VF franchement est pas mal du tout et je suis étonné de Clovis Cornillac qui fonctionne plutôt bien, c'est vraiment sympa. Ok, bah merci beaucoup, on peut passer donc au dernier film de ma sélection, le last but not least. Ouais, si là aussi, et donc on passe en 2015, 9 ans plus tard, avec En route. C'est plutôt grand. Le plus drôle, c'est que chaque créature qui y vit occupe son propre petit monde. Prenez Tiff, par exemple. Une fille comme les autres, avec une mère qui l'aime et un chat nommé Porky. Elle ne se serait jamais doutée qu'à 1 million de kilomètres se trouvait un bonhomme solitaire nommé O. Salut! Modeste membre d'une race nomade appelée les Bouves. Faites du bruit pour Papoula! À la recherche d'une planète accueillante où s'installer. Sur quelle plante poussent ces jolis fruits savoureux? ces deux-là n'avaient aucune chance de se rencontrer. Mais l'univers est tout sauf prévisible. Si tu ne me libères pas, alors je tirerai sur toi des rayons laser avec mes yeux. T'as des lasers dans les yeux? Oui. Un film DreamWorks Animation. Qu'est-ce que t'as fait à ma voiture? Elle devrait voler beaucoup mieux maintenant. Je suis disposé à accepter de ta part un de vos gestes traditionnels d'expression de la gratitude. La tradition veut qu'on se cogne sur le nez. Tu veux voir? Ta gratitude est évidente. Par les créateurs des Croods. Ton véhicule est infesté. C'est mon chat. Voilà qu'il émet des vibrations. Ah, il va pas exploser. Et de dragons. Comment tu t'appelles? Mes amis m'appellent Tiff. Et moi, O. Oh? J'ai été donné ce nom par mes nombreux amis. Bonjour. Oh. Ça va? Oh. Salut. Oh. Ils sont insaisissables. Pourquoi ils te cherchent comme ça? J'ai fabriqué quelques bêtises. Oups. Arrêtez ce move! Ils sont incontrôlables. Qu'est-ce qui se passe? Que fait mon corps? Ça s'appelle danser. Oh non, je balance les mains en l'air comme si j'en avais rien à faire. Et leur voyage autour du monde. C'est mon tour de conduire, donne les clés. Mais tu conduis comme un pied. Deviendra inoubliable. Regarde, j'ai redécouvert notre voiture. Ah ouais, ça va, Jules. T'es en train d'essayer de me rendre folle. DreamWorks Animation présente En route. Prochainement. Alors, En route, à savoir que je pense que pendant toute la préparation de cet épisode, je l'ai confondu avec En avant. Donc, le dernier Pixar, qui n'est pas forcément mieux d'ailleurs. Ouais, non, qui est un peu mieux. Ouais, un peu quand même. Rien qu'en animation. Mais c'est quand même pas. Pour du Pixar, c'est quand même vachement décevant, quoi. Oui. Oui. Un jour, oui, oui. Donc on est sur une durée de 1h34. Déjà, c'est le plus long des quatre et c'est pas forcément le meilleur. On est sur un budget de 135 millions de dollars et je vais expliquer la raison juste après. Écrit par Tom Astle et Max Ember qui ont entre autres et Matt Ember pardon qui ont aussi écrit Epic. Ça c'est sympa ça Epic. Et Max la menace. Je supporte pas ce film Epic. T'aimes pas Epic? Pourquoi? Je supporte pas ce film. Mais pourquoi? C'est cool, Epic? Non, moi, j'aime pas. J'ai vu, en plus, je l'ai vu en âge de le voir, tu vois. J'étais un peu après sa sortie, je dois avoir 14-15 ans. Attends, c'est épique, c'est trop bien et tout. Oh, bah, j'avais pas aimé. J'ai vu en même temps Turbo, je crois, pas loin. Ah, la doublette. J'étais, non. À la musique, pour ce qui est de la musique composée, on a Lorne Balfe, qui a fait 13 Hours, la musique est pas terrible de 13 Hours, et c'est un euphémisme. Ghost in the Shell de Rupert Sanders, qui est vachement bien, le film est vraiment cool. Et la musique est très sympa. Et un film pour toi, Mission Impossible Fallout, et il est en charge des deux prochains Mission Impossible. Et c'est cool parce qu'il a réussi à faire une musique qui change pour le 6, parce que les musiques des Missions Impossibles, je trouve que le 1, 2, 3, c'est toujours la même. 4, tu sens une légère différence, mais c'est toujours la même. 5, elle est incroyable. Et oui, 6, mais en même temps, le... Je suis fan de la 6, mais la musique change. Il y a beaucoup de... C'est pas forcément de la batterie, mais de percussion. Donc, je suis content qu'il reste. Voilà. Pour le coup, c'est vrai que après, le thème de Missions Impossibles est tellement épique. Mais attends, que je sois bien sûr, 4, c'est Protocole Fantôme. Oui. J'en ai aucun souvenir de lui. C'était pas Macquarie à l'époque encore. Macquarie, il est à partir de Rock Nation, si? Non, il était déjà sur Protocole Fantôme. Non, Protocole Fantôme, c'est Brad Bird. Ah. Il s'est dit, oh, l'animation, j'en ai un peu marre. Je vais faire une Mission Impossible. Bah, Protocole Fantôme, je sais plus s'il était cool ou pas. J'aime beaucoup le 5. Burj Khalifa, il est incroyable, le 4. Je me rappelle du Burj Khalifa, mais pas le plus. Après, j'aime beaucoup le 5 et le 6 pour le coup. Surtout Fallout, d'ailleurs, qui est vraiment, vraiment très, très, très, très cool. Ensuite, au casting. On a donc Jennifer Lopez sur la mère de l'héroïne, Jim Parsons, Sheldon dans The Big Bang Theory, sur Poe. Moi non plus. Et Rihanna sur l'héroïne. Alors, j'ai rien contre Rihanna, c'est une artiste, une entrepreneuse tout à fait respectable et respectée. Moi, j'écoute pas forcément sa musique. Je veux dire, moi, je suis plus métal, forcément, j'écoute pas beaucoup. Néanmoins, Néanmoins, je lui reconnais tout le talent du monde, mais je vais pas mentir, le fait d'avoir la voix d'une chanteuse sur une gamine de 14 ans, déjà voilà, et qui mais si en plus la chanteuse fait la musique du film, on a cette impression extrêmement perturbante que c'est elle qui chante les musiques du film, alors que ce n'est pas elle qui les chante. Vraiment, il y a une espèce de mélange improbable qui est vraiment très perturbant. Mais voilà, c'est juste c'est très personnel. Et ça m'a fait... oui, justement, j'ai eu la réflexion, moi je l'ai regardé en VF, et j'étais là, mais les musiques, c'est Rihanna. Mais c'est elle qui fait les voix. Ouais, et pour le coup, c'est, par contre, c'est super meilleur perturbant. Rôle, bah attends, je suis en train de me passer. Elle a fait quoi d'autre? Elle a fait Guava Island. Guava Island, ça se laisse regarder, mais c'est pas incroyable. Elle a fait Valérian. Voilà. Ocean's 8, hein. Ce magnifique rôle qu'elle a dedans. Ah, elle a pas des dreads? Si. Elle fait la hackeuse qui fait hop, trois clics, et bim, je mets le caméra de sécurité. Incroyable, regarde. Oh, un angle mort, tu te mets là, tu voles, et c'est fini. Ah, ouais. C'est ça qu'elle a. C'est Battleship avec les bateaux qui font des créneaux. Oui. Ah non, mais c'est. Mais en fait, pour le coup, En Route, en fait, pour moi, souffre d'un problème majeur qui est. Alors, l'animation est très propre. Pour le coup, j'ai rien à dire. L'animation est super. Même visuellement, je trouve le film est pas si moche, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est-à-dire que. Tu disais que Sinbad était classique. Mais là, on est au niveau encore au-dessus. C'est-à-dire que le film. Est vraiment banal. C'est une histoire classique d'amitié entre une fille et un petit bonhomme un peu bizarre. Et le problème, c'est que bah, à côté, il y a des petits bonhommes jaunes à lunettes qui disent souvent le mot banane et qui font ça, enfin, qui sont de 1 100 fois plus attachants que les espèces de poulpes bizarres, là. 100 fois plus drôles aussi. 100 fois plus créatifs. Et 100 fois plus marquants. Honnêtement, ce film... Je me rappelle juste d'une chose, c'est cette impression très étrange que Rihanna est partout dans le film. Mais à part ça, j'avoue que le film m'a complètement glissé dessus. Tu vois, je le termine, je me suis dit « Oh, c'est pas dégueu !» Mais en fait, tu laisses mûrir un petit peu, tu fais « Mais qu'est-ce que j'en ai à faire ?» Non, honnêtement, je vous dis très honnêtement, je pense que c'est le pire film de la sélection du bonhomme, en tout cas. Parce que pour le coup, déjà, c'est le seul qui réalise tout seul. Voilà, je sais pas si ça a quelque chose à voir. Mais je trouve que le film n'a aucune personnalité et cherche juste à... Je sais pas si le premier Moi, Moche et Méchant était déjà sorti en 2015. Oui, il me semble. Mais je vois quasiment un truc opportuniste qui essaie juste de surfer sur le succès d'un film sorti un petit peu avant. Alors, il y a même le 2 qui était sorti. Ouais, bah le 2, on peut se mettre d'accord, est quand même meilleur que le 1. Oui. Mais et pour le coup, je vois juste un film opportuniste et je passe par un mauvais moment, hein, mais qu'est-ce que ce film a apporté? Absolument rien. Et là où Nos voisins les hommes étaient très convenus, mais avec quand même des gags et des scènes assez qui sortaient du lot. Là où Sinbad, je te l'accorde, c'est super classique, mais il compense ça par une générosité, mais à toute épreuve. Là, j'ai juste l'impression de voir un cahier des charges qui est rempli absolument. Genre, j'ai l'impression de voir le gars qui coche chaque case du truc en étant moins drôle que les originaux, en étant moins pertinent, moins percutant, moins bien vu. Parce que Moi, Moche et Méchant, un des gros points de Moi, Moche et Méchant, souligné par l'excellente vidéo de La Suite de Trop, signalé, c'est que les mignons, on peut voir le film 14 fois, ils font toujours un truc en arrière-plan que tu remarqueras et qui sera super drôle. Ce film-là n'a pas ça. Ce film-là n'est pas drôle. C'était pas horrible, mais en fait, comme j'avais l'impression de voir chaque case cochée l'une après l'autre, les 1h34, elles m'ont paru comme 2h30. Quoi. C'était vraiment, vraiment pas terrible. Enfin, et pas terrible, je suis poli. Hein. Vraiment, c'était dur. Et toi? Alors, grosso modo comme toi, je sens quand même qu'il y a des petites idées par-ci par-là qui sont sympas, genre les extraterrestres qui envahissent la Terre et du coup, il y a tout qui vole. Genre la scène avec la Tour Eiffel, je trouve ça me fait rire. Genre, ils sont poursuivis par la Tour Eiffel. C'est des petits trucs comme ça où genre le vélo, ça sert à rien. Hop, tu vois tous les vélos qui s'en vont. C'est des petits détails que je trouve marrants, mais après, il y a un côté enfantin vraiment trop présent, quoi. Surtout enfantin déjà vu. Oui, aussi. Vraiment, au film d'avant, on disait qu'il y avait un petit côté adulte sympa. Voilà, vraiment, c'est nié, en fait. C'est un peu nié. Après, je n'ai pas passé un mauvais moment non plus. Non, mais... sur le coup, tu passes pas un mauvais moment, mais qu'est-ce que tu en retires, en fait, du film? Tu vois, c'est ça aussi. C'est-à-dire que je peux pas dire que le film est bien, puisque j'en retire absolument rien. C'est bien nos voisins les hommes, j'en retire vraiment quelques gags rigolos et quelques situations un peu sympas. Et l'air de rien, le film reste un petit peu plus en tête que ça. Home, sans rire, je l'ai vu 2 heures après, je l'avais oublié. Pour moi, c'est le comble de la médiocrité, ça. Oui. Je adhérer à ça. Non, mais non, c'est pas envie de me défoncer non plus. Non, clairement pas, je veux dire. Il y a des trucs, quoi, c'est juste que, ouais, c'est oubliable. Non, clairement, il est dur à défoncer, parce que honnêtement, genre, oh, il est mignon, tu sais, avec il est gentil et tout ça, mais c'est pas, enfin... J'aime bien la fin, avec le caillou. Donc, c'est une jolie fin. Ouais, oui, je me rappelle, où finalement, en fait, le caillou, c'est l'œuf des trucs, oui, enfin, mais... Il est tout seul. C'est le dernier de sa génération. Depuis ouais, l'école de merde, trop mignonne. Oui, mais tu vois, même ça, au final, moi, je l'avais un peu vu venir. Je me disais, non, en fait, ils sont pas vraiment méchants, tu vois, donc c'est... Ah, mais ça, évidemment. Ça, je l'ai vu venir au bout de 10 minutes. Oui, donc c'est ça, et veut dire, même des personnages qui se veulent être un peu des running gags, genre le roi des boues, je sais pas quoi, là, des gentils, là. Mec, le leader des boues. Ouais, lui, je le trouvais absolument infernal. Et ils te le font comme running gag, et j'en pouvais plus, hein. Non, pour le coup, oui, et même sur la BO du film, sur la musique du film, je t'avoue que je suis un peu emmerdé parce que la musique de base est nulle et je vais pas diffuser du Rihanna parce que nos amis les droits d'auteur vont passer. Donc si tu veux, ouais, j'avoue que c'est non, c'est. En fait, je disais que Fourmis m'avait regardé. Lui, il m'a observé, il m'a fixé, mais j'étais face à lui, j'étais passif, mais au total, quoi. C'était vraiment. Fourmis, c'est incroyable à côté. Hein. Bah, Fourmise, il y a au moins des intentions et une originalité que je peux lui donner. C'est juste moi où je vois le film, je me fais ouais, ok, voilà, c'est terminé. Là, vraiment, j'ai la sensation de voir un melting pot condensé et médiocrisé, enfin, amoindri en qualité de tout ce qui se faisait. Et le fait que Moi, Moche et Méchant soit sorti avant, c'est impossible qu'ils aient pas vu le film et qu'ils se soient pas dit, hé, les gars, trop drôle, on va faire la mascotte. Tu vois, c'est. Enfin, soyons honnêtes, les boules, c'est des mignons en moche. Oui. Voilà, je veux dire. Franchement, je les trouve pas très bien faits en plus. Bah, moi, honnêtement, je les trouve un peu mignons. Genre, au début, c'est genre, honnêtement, le début démarre pas si mal. Je le vois, tu sais, avec tous ses copains, genre, hé, les copains et tout, c'est trop gentil. Mais au bout de 5 minutes, j'ai cramé toute la fin et je me suis dit, bon, ok, ça va être long, quoi. Mais donc, voilà. Leur design, je sais pas, ils sont tout lisses, il y a aucune texture. C'est. Le mignon, il a des. Tu vas me dire, il est tout lisse, tout jaune, c'est une pilule, quoi. Or qu'eux, ils ont une forme bizarre. Je ne comprends pas qu'ils soient attachants en termes de physique. Même le lapin crétin est vraiment con, mais il touche, est harmonieux. Touche pas au lapin crétin, toi. Harmonieux. C'est pas le premier mot que j'aurais employé pour les décrire. Mais non, mais ils sont tout blancs et tout ronds, quoi, tu vois. Je sais pas. Là, ils sont... Je sais pas. Ils changent de couleur, quoi. C'est pas sympa, mais... Harmonieux, c'est le dernier mot que je m'attendais à employer. Mais non, mais tu me comprends. Non. Non, mais le pire, c'est que je suis d'accord. Mais bon, enfin, bref, on n'est pas sur. Pour moi, c'est le pire film de cette sélection et je te propose qu'on passe à nos scènes préférées. Ouais. En plus, j'en ai une. Moi, pour tous, mais une directe. J'annonce, j'en ai pas. En fait, c'est. J'en retire rien. Il n'y a aucune scène où je me dis, ah là, il y a quelque chose. C'est-à-dire que tout est prévisible et coché à l'avance. Donc moi, je fais un peu comme Thor 2, j'en ai pas. Désolé. C'est. Voilà. Moi, j'ai un truc qui me fait beaucoup rire. C'est quand le chef, là, ce mec, il fait, bon, appelez-les. Je sais plus, c'est pas le super cerveau, je sais pas quoi. C'est une espèce de bouffe qui arrive avec leur grosse tête et qui ont des idées. Mais complètement pété, ça me fait vraiment beaucoup rire. Genre, et sinon, fais le mort. Et je reprends tout le film, tu vois, sa grosse tête qui fait le mort jusqu'à la fin. Je sais pas, cette scène m'a beaucoup fait rire. Je veux dire, vraiment nul comme idée, alors que c'est censé être les gars les plus intelligents de leur peuple. Et après, quand le roi se réapproprie les idées des gars. Oui, un moment, il a une bonne idée, et alors il fait, ah ouais, on a qu'à faire ça. Et attends, c'est quoi la suite? Ah ouais, ok, ouais, on fait ça, je suis trop fort. Enfin, je sais pas, ça me fait rire. Ouais. Leur design, autant eux, leur design me fait rire avec leur grosse tête toute molle, là. Alors qu'ils sont complètement cons. Et sur la VF, Melvin, comment elle a qui pour doubler Rihanna? C'est Leila Bekti. Quoi? Aussi étrange que ça puisse paraître. Parce que cette voix me disait quelque chose. Tu cherchais au milieu du film. C'est donc Leila Bekti que vous connaissez peut-être comme moi pour La Flamme ou Flambeau. Ouais, j'allais dire qu'on a vu dans La Flamme. Voilà. Et alors, c'est pareil. C'est un souci. C'est que Leila Bekti, elle ne fait pas 14 ans. Quoi. Elle a une voix un peu grave. Et pendant tout le film, j'ai en train de me demander, mais en fait, ce qu'ils disent, ils disent tard son âge, t'as. Mais elle conduit une voiture et tout, c'est peut-être qu'elle a le permis. Peut-être c'est une étudiante. Ah oui, c'est vrai. Après, du coup, elle n'a pas 14 ans, elle a 18 ans, mais c'est toujours aussi perturbant. Non, parce qu'elle est en cinquième. Donc elle a 14 ans. Mais au début, j'avais le doute. J'étais, non, mais avec une voix aussi grave, elle conduit la voiture et tout. Mais bon, je sais bien qu'elle met un petit réhausseur. Mais bon, peut-être qu'elle est petite. Non, pas du tout. Elle a vraiment juste 14 ans. Elle est en cinquième, elle le dit. Elle a 20 sur 20 en géométrie. Mais donc voilà, c'est très très bizarre. Par contre, sur petit extraterrestre, c'est Alex Lutz, ça fonctionne très très bien. Même si j'avoue que ce côté, je ne sais pas parler français, je suppose que c'est pareil en anglais, il fait plein de fautes. Oui, il fait plein de fautes, genre we are gonna find my mom. Je ne sais pas s'il le fait en français, mais en gros, type dit I want to find my mom, donc ma maman en gros. Oui, en français, c'est pareil, des trucs genre je crois, que des machins comme ça, ça m'irritait un peu. Ouais, moi en tout cas, ça me fait pas rire, c'est peut-être en mode mais arrête ça... Et alors, deux autres trucs sur la VF, donc sur ce mec là, le chef des bouves, c'est Jack France, que paie à son âme. Jack France qui est quand même un doubleur incroyable, c'est le doubleur de. Bah, tu vois qui c'est Sully dans Sully, De Niro, tout ça, tout ça. Pour moi, ouais, c'est surtout Sully, mais ouais, c'était un grand homme. Voilà, et donc, comment s'appelle en VO Gratuity, non, c'est ça, attends, oui, c'est ça. Laquelle La personnage principale. Ah, c'est Gratuity, en vrai nom. Oui, prononcez le type, c'est son surnom. Son Gratuity, c'est nul. Et bien, en VF, donc, il ne s'appelle pas Type, mais Tiff, parce que son prénom. Ah, sur ce tu vois bien. Tu vois, gratuit, c'est nul. Mais en VF, c'est apéritif. Genre, apéritif. Sa mère, qui est donc Jennifer Lopez, s'est dit « Ah, oh, je vais appeler ma fille apéritif. » Wow. Attends, apéritif, genre l'apéro? Ouais. Et du coup, elle s'appelle Tiff. Et apéritif Tucci. Dit oh, Tiff. C'est chaud, quand même. Voilà, on est sur la traduction de haute qualité, hein. Oh, mais donc, après, la VF globale est pas mal, après. Ça se tient, quoi. C'est bien doublé. Et voilà. Oh, je pense que c'est mieux d'avoir une voix différente des chansons. Oh, ouais, mais je veux dire, en VO, c'était vraiment assez perturbant. Mais tiens, d'ailleurs, je me permets juste de dire un truc. Savais-tu que Battleship avait été réalisé par Peter Berg? Peter Berg, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Un film qui me semble que tu aimes bien. Comment? Pas Mr. et Mrs. Smith? Non, ça, c'est Dougliman. Ah, Peter oui. Berg, il me semble que t'aimes bien ce film, tu peux me dire, c'est Deepwater Horizon. Ah oui, mais oui. Ça, c'était bien. C'est aussi lui, Bienvenue dans la jungle, c'est lui aussi. Est-ce que tu as déjà vu Bienvenue dans la jungle? Jamais. Bienvenue dans la jungle, c'est un petit film avec, comment il s'appelle, le gars de American Pie qui fait Stifler, hein, Sean William Scott, de mémoire. Je sais pas du tout. Insupportable, mais c'est son rôle, et Dwayne Johnson. En vrai, c'est pas mal parce que c'est Dwayne Johnson qui joue du Dwayne Johnson, mais qui se moque du Dwayne Johnson. Avant l'époque où il naît Dwayne Johnson, finalement. Oui, alors qu'il n'était pas Dwayne Johnson. C'est très drôle comme film. Voilà. Bah, il y a même Schwarzenegger qui fait un caméo. Il y a bien qui ? Schwarzenegger qui fait un caméo là-dedans. Eh bien, écoute, j'ai trouvé un film à voir. Non, mais voilà, c'était juste la petite parenthèse Peter Berg. Et donc, on a terminé sur Tim Johnson. Et je vais avouer qu'au global, moi, si j'ai choisi lui, c'était surtout pour parler de Sinbad. C'est-à-dire qu'après, je suis content d'avoir pu parler de Nos voisins les hommes. Mais c'est pas quelqu'un que je peux considérer comme un auteur. C'est-à-dire, c'est totalement un yes man. Et voilà, il a eu un coup de génie. Qui, je pense, d'ailleurs, je soupçonne, est plus dû à son scénariste qu'à lui. Mais voilà, je ne peux pas dire grand-chose maintenant. Est-ce que toi, éventuellement, tu as quelque chose que tu retiens particulièrement ou est-ce que tu me rejoins dans mon clan de C'est un yes man? Alors, bon, sur En route, oui. Oui. Rihanna, il est arrivé, il a fait oui. Sur le reste, Je sais pas, parce que je sais pas comment il te fait les projets. Parce que Sinbad, ça fait forcément fourmi, je trouve pas que ça se traîne semaine. Enfin, après, c'est toujours le truc de c'était mille et une pattes avant ou après, on sait pas. C'est, les deux ont été faits en même temps, ils sont sortis à un mois d'intervalle, mais même, tu sais, enfin, vrai, ce que je veux dire par Yes Man, c'est pas forcément qu'il n'a pas d'idée derrière ses films. C'est-à-dire, par exemple, Rupert Sanders qui a fait Ghost in the Shell, c'est un Yes Man. Je veux dire, avant, il avait fait Blanche-Neige et la Reine des Glaces, quoi, que moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a un super design, super production design. Et Ghost in the Shell a un propos intéressant sur le whitewashing, mais ça, le gars, ça reste un Yes Man, hein, c'est juste un Yes Man compétent, globalement. Ouais, mais je suis pas convaincu là. Enfin, oui, oui et non. Peut-être, mais il le fait bien. Ah, mais non. Il est compétent. Hein, je veux dire, Fourmis, Sinbad, à nouveau, ces deux derniers sont moins bons. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, j'ai du mal à lui trouver une patte, en fait. Ça, c'est. J'ai du mal à lui trouver quelque chose qui le différencie d'autres types. Oui, bah c'est des films de studio, quoi. Après, l'animation, souvent, les studios, même les Pixar, hein, t'as... Brad Bird. Il y a des pattes, il y a des pattes, mais... Brad Bird, il a une patte, quand même. Bah, je suis désolé, mais tu prends Les Indestructibles ou Monstres et Compagnie, je trouve que c'est pareil, hein. Pour moi, entre Les Indestructibles et Le Géant de Fer, tu vois vraiment une continuité, tu vois une cohérence. J'ai pas vu Le Géant de Fer. Ah, oh, faut que tu vois, ça c'est dingue. Je parlais entre les Pixar, tu vois. J'ai rentré ouais, c'est vrai. Les réalisateurs différents, je devais. Non, c'est tout le même. Hein. Non, je m'en fais taire, quoi. Il n'y a pas non plus. Bon, en tout cas, on peut se rejoindre que Tim Johnson n'est pas forcément un esthète de génie. Non. Ouais. Et donc, si on classe les films, est-ce que tu me laisses Sinbad en premier? Oui. Merci. Quelle condition? Juste après, c'est Fourmis. Oui, Fourmis juste après, et je pense que la suite est logique, c'est-à-dire que Nos Voisins les Hommes en troisième et En Route tout en bas. Voilà. Au moins, c'était pas dur. Même si je pense que personnellement, je vais préférer Fourmis que Sinbad. Mais comme toi, tu dis ça parce que t'es raciste envers Monica Bellucci. Ouais, et que j'ai un esprit de contradiction, tu le sais. Mais ouais, honnêtement, je préférais Fourmis que Sinbad, mais tu as tellement voué un culte à ce film, je fais des prières tous les soirs. Que je... Bah après, je peux pas être honnête sur Sinbad. J'ai un attachement particulier d'enfance, mais bref, ce film est génial, voyez-le. Est-ce qu'on peut passer à ton réalisateur en commençant éventuellement par un petit énorme trigger warning? Éric Bergeron, dit pour les intimes Bibo Bergeron, réalisateur français. Oui, tu veux faire du français, alors on fait du français. Alors on change de pays un peu, c'est bien, ça on aime. Petit point biographie avant, il a fait ses écoles à l'école des Gobelins à Paris, donc comme une école réputée pour l'animation. Je me permets de faire un petit encart, je le noterai dans la description du podcast. C'est un court-métrage qui dispose sur Shadows, qui est fait, il me semble qu'il est fait par l'école des Gobelins, qui s'appelle Mom's Sweater. Je crois que ça dure 5-6 minutes et c'est une pépite. Vraiment, c'est absolument dingue. Il est disponible sur Shadows pour ceux qui veulent. Ce court-métrage est absolument génial. Je te laisse reprendre. Et donc, il fait ça et il a été après engagé par un certain studio qui s'appellerait DreamWorks. Donc, tiens. Voilà. Et pour faire ces trois films dont on parle aujourd'hui. Et il se trouve qu'il y a quelques années, donc en 2019, alors je crois que c'était sur en 2020, il a été mis au tribunal pour une certaine affaire de viol. Donc voilà, on l'a appris sur le monsieur. Littéralement, on l'a appris il y a une heure en fait. On l'a appris il y a deux heures. Non, donc voilà, c'est juste pour prévenir. On n'a pas fait cet épisode en ayant connaissance de cette histoire. Et évidemment que on n'approuve aucun des actes qu'a potentiellement fait ce salopard, mais cette personne, j'ai pas réussi à trouver de suite sur cette accusation. Oui, mais on peut partir du principe on peut partir du principe quand même qu'en tout cas il y a suspicion. Voilà. Et j'ai pas le fin mot. C'est tout ce que je peux dire. Et donc, vas-y. Et donc, vas-y, je te laisse continuer. Et donc, après, alors, il s'est fait d'abord opérer chez les films Astérix, chez Breton, Astérix, Coup du Menhir, en tant qu'animateur. J'ai fait beaucoup d'animations dans les années 90, comme Dingo et Max, alors, des trucs comme Les Aventures de Zach Krista dans la forêt tropicale de Fern Gully. Ou qui est-ce que c'est, mais ça fait rire. Donc, c'était un animateur des années 90 avant de se faire repérer par le studio de Spielberg DreamWorks et de réaliser en 2000 La Route d'Eldorado. La légende. Une cité d'or perdue. Seuls deux hommes seront assez courageux pour la trouver. DreamWorks Home Entertainment présente deux durs à cuire. Ton calasson m'a mordu le croupion. Astucieux. Où est ce plan d'évasion? Les aventuriers les plus courageux que le monde ait connus. Venez donc les rejoindre. Quel est Tullion? Les puissants et magnifiques dieux. Hello. Dans cette délirante aventure. Nous n'avons pas de carte. Nous n'avons pas de plan. Et découvrez un endroit de légende. Tu es un dieu. T'es un dieu. Non, tu es un toi, dieu. Non, toi, t'es un dieu. Saisissez votre chance. Eldorado. Embarquez pour un fabuleux voyage. Et suivons le chemin. Quel chemin? La Route d'Eldorado. Un film en or massif, acclamé par la critique. Disponible en VHS et DVD, DreamWorks Home Entertainment. Voici mon plan. Nous trouvons la cité de l'or. Nous prenons cet or. Ramons jusqu'en Espagne et adieu la compagnie. Tout le monde saute ! La Route d'Eldorado. Sensationnel, et ça c'est ton plan, n'est-ce pas? C'est à peu près ça. Bien, je suis d'accord. Disponible en vidéo. Et si je ne m'abuse, le troisième film DreamWorks. C'est dommage qu'on n'ait pas vu Le Prince d'Égypte, parce que c'est quand même le seul qui nous manque de cette période. Hein. Sinon, on a fait tout le début. Je ne l'ai jamais vu. Mais non. Et parce que du coup, on a fait tout le début, sauf lui. Mais bon, ce n'était pas les bons réalisateurs. On ne peut pas tout faire non plus. Vas-y. La Route d'Eldorado, donc, c'est réalisé par Éric Bergeron. Will Finn, qui a fait entre autres La Ferme se rebelle, film que j'ai complètement oublié, par également Don Paul et David Silverman, qui lui a fait travailler sur Monstres et Compagnie ou Les Simpsons, le film, deux salles, deux ambiances. Donc ils sont quatre sur le film. C'était scénarisé par Ed Elliott et Terry Rossio, qui cette fois c'est Godzilla, je crois. Je vais voir si je vais dire des bêtises. Oui. Ah oui, eux, ils ont un palmarès scénario incroyable. Ils ont Godzilla. Oh là, je suis dessus, ça fait mal aux yeux, la vache. Ils ont les Pirates des Caraïbes. Ils ont Shrek. Ouais, ils ont le 5. Ils ont les Benjamin Game. Ils ont Lone Ranger. Godzilla versus Kong. Alors non, Lone Ranger, c'est super bien. Lone Ranger, c'est vachement bien. Ouais, j'aime beaucoup. Et ils ont Small Soldiers. Ils c'est ont... pas toi qui... Ça tue Small Soldiers, c'est génial. Ah. Mais ils ont aussi Godzilla vs. Kong. Ils ont, je sais pas si t'as vu ce truc, GeForce. Non. C'était très très nul ça. C'était Hamster à Argent Secret, c'est très mauvais. Si, des Hamster à Argent Secret, et ils ont le très mauvais La Légende de Zorro aussi. Oui, c'est vrai. Mais ils ont Shrek, hein, et pour ça, il faut les remercier. Et les trois premiers Pirates des Caraïbes. Les quatre premiers Pirates des Caraïbes. On sauve le 4 par rapport au 5 en tout cas. Oh putain, le 5. Pitié, si un jour on fait un épisode Pirates des Caraïbes, on ne parle pas de lui. Ah si, enfin, on jamais. Jamais. Non. à la musique, on a Hans Zimmer et John Powell. C'est un peu toujours les mêmes gars, de toute façon, donc je ne vais pas m'étendre. Ils sont compétents, on les garde. Hein. Déjà parlé. Et en casting VO, on a Kevin Kline et Kenneth Branagh dans les rôles principaux. Et après, on a Rosie Perez ou tout encore Jim Cummings, des noms quand même assez connus à l'époque. Je garde la VF pour la fin, pour mon petit encart VF. Donc, ça raconte l'histoire de deux voleurs, Tulio et Miguel, au XVIe siècle, à l'époque des conquistadors. Qui, qui veulent évidemment devenir riches, donc cherchent l'Eldorado avec la carte qu'ils ont. Ils vont finir par la découvrir, donc on suit leur... Pardon, on suit pas leur périple, on suit leur vie à l'Eldorado plus qu'autre chose. Oui, merci. Et alors, moi, c'est un film que je connaissais que de nom, c'est autant que Sinbad, quoi, et j'ai adoré le film. Vraiment, il m'a pris, comme dirait certains grands, il m'a roulé dessus. Et non, j'ai passé, je dirais pas jusqu'au chef-d'œuvre, mais j'ai passé un super moment devant, et pour le coup, on s'attendait avec Quentin à un truc comme d'hab, un truc d'aventure un peu fantastique, et sauf que le fantastique arrive dans les dernières 20 minutes. Et ça ne me dérange pas, au contraire, je trouve vraiment j'aime beaucoup les deux personnages et la relation qu'ils ont. Et l'écriture de film que je trouve vraiment sympa. L'animation. Et là, je trouve la 3D réussie. Autant que la planète au trésor. Je trouve vraiment qu'ils ont fait un effort sur l'animation qui est très très belle. La 2D, 3D. 3D pas très présente, mais un peu quand même. Et non, franchement, c'était une belle surprise. Je suis content de l'avoir découvert. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et toi ? Surtout, je sais que tu vas râler alors. Non, bah en fait, je pense que tu connais mon amour, j'en ai parlé juste avant, mais pour le film Atlantide, l'Empire perdu. Et en fait, mon problème, c'est que je m'attendais à ça, en fait. Mon problème, c'est que je m'attendais à un film d'aventure vraiment plus ouvertement fantastique et plus... plus, comment dire... moins ça, c'est-à-dire que l'Eldorado, bah tu l'as dit, il y arrive dans les 20 premières minutes, et donc en fait bah après on suit juste la vie des deux, et autant comment il s'appelle le blond? Alors c'est soit Miguel ou Tulio. C'est Tulio ou c'est Miguel, ouais. Le blond? Je crois que c'est Tulio le blond. Ouais, parce que le blond, je l'ai trouvé attachant pour le coup. Je l'ai trouvé, il était un peu sympa, niais, etc. L'autre, je ne suis pas attaché à lui, je n'avais pas envie de le suivre spécialement. Et pour le coup, en fait, j'ai globalement décroché. J'en suis sincèrement désolé, Melvin, hein, d'avoir l'air d'un rabat-joie, mais le truc dure 1h30. Au bout de 40 minutes, j'ai décroché, en fait. Je me suis réveillé lorsqu'il y avait un petit peu de fantastique vers la fin. Mais en fait, c'est juste, c'était... Et pourtant, il démarre bien. Il démarre bien, genre il démarre vite, en vitesse. T'as le truc du cheval qui m'a fait rire et tout ça. Mais pour moi, le film n'est pas du tout. Je pense que c'est juste pas du tout ce à quoi je m'attendais ou ce que je voulais. Et ça a été voilà, un petit peu une déception quand même pour moi. Surtout parce que je sais pas. Peut-être que si je l'avais découvert plus jeune, ça m'aurait plus pris, un peu comme Sinbad. Mais ici, vraiment, ça a été sans grande folie. J'avoue que le tatou m'a fait marrer, la partie de basket là avec le tatou. Oui. C'était marrant. Et voilà. Tulio, c'est pas le blond en fait, c'est Miguel le blond. Ok, bah voilà. Miguel, il est sympa. Lui, pour le coup, Miguel, il est sympa. Mais après, ouais, ça a été pas une purge. Je peux pas dire que c'est une torture. J'aurais même du mal à dire que c'est un mauvais film, hein, honnêtement. Mais pas non plus, c'est je mourrais pas sur une colline pour le défendre, quoi. C'est ça se regarde même bien, mais je suis pas en extase devant comme visiblement comme toi, Melvin. Et non, oui, moi j'ai beaucoup aimé. Après, tu vois, Sinbad, toi t'as le ou l'Atlantide, t'as le contexte marin qui plaît beaucoup. Moi, l'Eldorado, oui, ça... c'est... Les trucs des Incas, Aztèques, les trucs des conquistadors, ça m'a toujours fasciné. Et donc voilà, il y a le contexte qui joue aussi, je pense. Bah, oui, c'est ça. Après, typiquement, moi, j'étais preneur de n'importe quel truc d'aventure. Tu vois, moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est les deux gars. Après, peut-être que le prince d'Égypte est plus comme ça, je ne sais pas du tout. Mais c'est deux gars en quête de l'Eldorado, et vraiment, tu vois tout leur périple. Tu vois, ils vont rencontrer des monstres, des trucs comme ça. J'aurais été mais comme un dingue. Mais bah, c'est pas ça. Et c'est ça qui me manque. Après, je peux pas reprocher au film quelque chose qu'il ne veut pas être. C'est-à-dire, s'il veut pas être un film d'aventure, pas de souci. Mais voilà, c'est vraiment, je pense que c'est le décalage entre mes attentes et ce que le film est réellement qui fait que j'ai pas non plus ultra accroché. Mais j'aurais du mal à dire que le film est pas bien. Et même l'animation, c'est plutôt propre. C'est pas incroyable, mais c'est pas non plus horrible. Maintenant, c'est... Ouais, c'est, y a le film. La musique. Je l'ai pas dit. Mais la musique est sympa. La musique est sympa. Et en VF, c'est pas Elton John, mais les musiques fonctionnent très bien en VF. Enfin, j'en parlerai après. Mais voilà. Bah après, t'as une des musiques qui m'a un peu. Ouais, l'amitié et tout. Tiens, genre, c'était la musique sur l'amitié. C'est ma préférée. Bon, ouais, subtilité, j'écrirai ton nom dans le ciel. Quoi, mais bon, après, j'aurais du mal à dire que le film est horrible. Et surtout, c'est un film gentil. Tu vois, typiquement, c'est un film. Il va pas. Il n'y a pas grand chose de négatif. Et j'ai pas forcément grand chose à dire. Juste, moi, je suis pas rentré dedans. Et j'étais pas chaud à fond devant comme toi, tu as pu l'être. Ah ouais, non, moi, c'était vraiment une pure découverte. Et très content de l'avoir découvert, quoi. Je ne regrette pas. Eh ben, super. Est-ce que tu as des choses à me dire sur la musique, du coup? Bah, la musique, pour le coup, est plutôt sympa. Bon, non, je ne vais pas diffuser du Elton John, je ne prends pas le risque. Mais la musique est plutôt sympa. Et pour le coup, on a quand même des morceaux assez chouettes. Donc, je pense que je vais à nouveau diffuser un extrait du thème principal qui arrive à vraiment insuffler un côté aventure au film. Ce qui a deux doigts de la publicité mensongère. Mais en tant que tel, le morceau est sympa. Et donc, je diffuse un extrait du thème principal. Alors, au TVF, on remplace Klein et Branham par José Garcia et Antoine de Caunes. On pourrait se dire, dis donc, c'est quand même bizarre. Et pas du tout, parce que c'est très bien qu'on l'a vu de toute façon avec le film d'avant. Le but, c'est vendre. À l'époque, qu'est-ce qui invoque le duo José Garcia et Antoine de Caunes, donc, pour l'aimer. Et étrangement, ça fonctionne très très bien, même Antoine de Caunes. Parce que José Garcia est quand même ça reste un acteur, quoi. Donc je me suis dit, bon, à la limite, j'ai dû faire l'animation, ça doit aller. Alors que De Caunes, pas du tout. Et si, ça passe très bien. On sent pas vraiment que José Garcia, t'entends que c'est lui, Antoine De Caunes, je l'ai très peu reconnu. Donc, non, c'est vraiment sympa. Alors, c'est pas eux qui chantent, par contre. Ils ont. Voilà. Et j'ai envie de dire, on remercie le film pour ça. Et on a Victoria Abril qui devrait rester dans les stars. Hein. Et on a, mais ça va te faire plaisir, Richard Darbois sur le conquistador espagnol Hernán Cortés. Let's go! Qui colle au personnage évidemment. Et pour rester dans les noms, on a Féodor Atkin qui fait le grand prêtre, qui est le doubleur de Ben Kingsley, si je ne m'abuse, que je vérifie que je n'utilise pas n'importe quoi. Ou de William Hurt et de Ben Kingsley, oui, c'est ça. Et Jack France, le retour, qui fait le chef Cheap Jazz. Je ne sais plus son nom, Tanabok, je crois. Voilà, une très bonne VF. Okay. La chanson fonctionne très bien en français également. On les aura écoutés dans les deux langues. Après, l'animation, Non, en fait, si, ça existe, les versions nulles. Mais en général, ils se débrouillent plutôt bien niveau doublage. Ça se corse dans les années 2010, quoi. Ok, bah super. Éventuellement, toi, est-ce que tu as une scène préférée après ça? Mais elle va pas plaire, mais la scène de la chanson sur l'amitié, je sais pas. Je trouve cette scène vraiment super. Vraiment bien. J'en sais pas, c'est émouvant et tout. Ça montre l'écriture des personnages et j'aime beaucoup la chanson. Bah, je peux pas dire. Moi, j'ai rien contre elle. Hein. C'est juste que ça m'a fait sourire le côté. Allez, les gars, on est amis et tout. Tu vois, c'est vraiment, on va dire, le très très peu subtil. En fait, c'est juste ça. Où, au moins, tu as compris le message que veut faire passer le film. Oui. Oh. Sinbad, c'est pas très subtil. Hein. En quoi? Laisse Sinbad en dehors de tout ça, s'il te plaît. Et toi, ta scène préférée? Moi, justement, c'est l'intro, en fait. Simplement, c'est l'intro qui, pour moi, justement, m'embarquait sur ce qui me semblait être un film d'action, un film d'aventure très... Où vraiment, je me disais, mais c'est parti, ça va être trop bien et tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment la scène d'intro où j'étais, mais on fire pour la suite. Tout simplement. Mais tu n'étais pas on fire pour celui-là, mais beaucoup plus pour le suivant. Je le sais, tu ne peux pas me mentir, qu'on arrive en gros morceau de l'épisode, hein, le film que tout le monde attend. T'es au courant que c'est en partie à cause de ce film-là que cet épisode a été extrêmement dur à voir? Non, non. À part celui-là, et en route, j'ai passé de très bons moments. Parce qu'il est temps de parler de Gang de requins. De Mémoire de requin, Lenny avait toujours été différent. Je vois pas comment te dire ça autrement, Lenny. Tout ce qui bouge, tu le bouffes, point barre. C'est une tradition chez nous. Si t'as l'air faible, c'est moi qui ai l'air faible. Je sais. Tu vas me faire le plaisir d'avaler ça. Oh, écoute, papa, voilà, je suis végétarien. Oh, t'es un type bien. Oh non. De Mémoire de petit poisson, Oscar. Allez, avait toujours eu des ennuis. C'est du tout cuit. Il a fait un faux pas. Un faux pas? Oui, il a trébuché. Il s'est pris le pied dans son pied. Ça suffit. Vous allez trouver la poche la plus profonde de l'océan et me le balancer par le fond. Oh non. Jusqu'au jour où le petit poisson fit un mensonge beaucoup plus gros que lui. Oscar, tu l'as tué. Absolument, vous pouvez le constater, c'est la vérité. N'oubliez jamais ce nom, Oscar, le tueur de squale. Tu as menti. Tout le monde croit que tu as terrassé le requin. Prochainement. Toi, il faut que tu tues un requin et moi, il faut que je disparaisse. Voilà ce que je te propose. Par les créateurs de Shrek. Yo, Angie a besoin de se défouler. Vas-y, Angie, danse avec moi, poupée. Dis-moi que je te perds pas. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je n'y vois rien. Avec Oscar. Des requins me cherchent pour me tuer. Angie. Qu'est-ce que foire, j'ai envie d'attraper ta grosse tête. Ta bouillie de la... Lola. Montre à ces requins qui est le patron. Lenny. Mais voilà. Domino. C'est moi qui décide pourquoi, comment et quoi. Quoi? Quoi? Rien, c'est toi qui as dit quoi. J'ai pas dit quoi. Et Saïx. Tu as dit et quoi. Et j'ai dit quoi. Non, j'ai dit quoi. Quoi? Mais tu avais dit quoi. Gang de requins. Allez, vas-y, claque des nageoires, là. Claque, claque-moi une. Tu claques pas, là. Oscar. C'est bon, y a pas de malaise, y a des tas de poissons blancs qui y arrivent pas. Donc en 2004, sort, en 2005 en France, sort Gang de requins, donc réalisé par donc Éric Bergeron, Vicky Jensen qui a travaillé sur Shrek, et Rob Letterman qui, alors lui, il a travaillé sur Monstre contre Alien, et c'est le réalisateur de Chair de poule et de Détective Pikachu. Voilà. Non, en vrai, exagère pas. Détective Pikachu, c'est super. Chair de poule, c'est moins mauvais que ce que je m'attendais. Chair de poule, j'ai vu que le 1. Ouais, bah regarde pas le 2. Hein. Le 2 est... Voilà. Le 2. C'est pas prévu. Au scénario, on a Michael G. Wilson qui n'est... Ce gars n'existe pas. Et Rob Letterman, dont je viens de parler. À la musique, on reste sur Hans Zimmer. Parce que ça a marché, autant le garder. C'est encore un film DreamWorks, au passage. Et cette fois, alors, le casting en VO. Attention, on a Will Smith dans le rôle de Will Smith, Jack Black dans le rôle de Jack Black, dans le rôle de Robert De Niro. Tout le monde joue son personnage. On a aussi Angelina Jolie, Renée Zellweger ou Martin Scorsese, qui sont quand même des sacrés noms connus. Film donc. Je l'ai dit tout à l'heure, nominé aux Oscars face à Shrek 2 et c'était en même temps Les Indestructibles. Je vais deviner qui a gagné. Hein. Indice, c'est Disney comme d'hab. Les Indestructibles. Bien sûr. Il y a une seule fois où. Les Indestructibles, franchement, Les Indestructibles, c'est super, franchement. Ouais, 2002, les premiers Oscars d'animation, il y avait Monstres et Compagnie contre Shrek. C'est Shrek qui a gagné. Et ça, je trouve ça incroyable. Vive Shrek. Et donc le requin, ça raconte l'histoire de Oscar qui travaille au Lavo Baleine. Je sais pas comment c'est. Tu l'as vu en VO? Oui, je me suis infligé ça en VO. Quel plaisir. Ils appellent ça comment, le Lavo Baleine? Parce que le nom me fait beaucoup. Le whale quelque chose. Je t'avoue que j'ai pas retenu ça pour le coup. Donc il y a Oscar qui travaille à Lavo Baleine. Un jour, rencontre deux requins qui sont deux frères, donc Lenny et je n'ai plus le nom de l'autre. Lenny Lenny et Frankie. Et Frankie meurt écrasé par une ancre de bateau et Oscar dit hey, c'est moi qui l'ai tué. Sauf que le père de Frankie n'est autre que Robert De Niro ou un mafieux italien. Et voilà. En gros, c'est un peu le parrain, mais avec des poissons. Et en fait, je ne peux pas résumer ce film. C'est nul. Voilà, c'est nul. Je vais t'aider à le résumer. Je vais démarrer par un point tout simple, qui est, est-ce que toi, tu as réussi à rentrer dans l'univers du film? J'ai envie de poser la question. Qu'est-ce que t'appelles l'univers du film? Si c'est des poissons, non. Ils ont des apparts de luxe de Las Vegas. À ce moment-là, je ne rentre pas dans un truc de poisson, quoi. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas réussi à rentrer dans le truc parce que, en fait, les poissons ont des articulations. Ils doivent dormir sur des lits. Ils mangent des sushis. Et je me dis, putain, non, mais t'es un poisson, connard. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, c'est un peu comme Cars, tu vois, c'est-à-dire Cars, genre, si jamais Cars, on me dit c'est des voitures qui vont dans un Monaco à taille humaine, et c'est pas post-apocalyptique, je peux pas y croire. Là, les poissons, c'est pareil, c'est-à-dire, vraiment, pendant tout le film, j'étais en mode, mais putain, mais non, ça ne passe pas, ça ne marche pas, ça ne peut pas. Pourquoi ça ne marche pas? Voyons, quand tu es un requin, tu peux te déguiser en dauphin et ton père ne te reconnaît pas. Je vois pas pourquoi ce monde ne fonctionne pas, voyons. Non, c'est ça. Et puis même, je veux dire, le film veut te donner un... Putain, genre, tu pourrais en fait lire le film comme quoi le véganisme de Lenny est en fait une métaphore de son homosexualité. Mais... Si, pour le coup, c'est oui, mais ça marche pas. Bah si, en tant que tel, tu peux, mais même ça, c'est pompier, c'est lourd, tu vois, c'est vraiment... Il y a tout un truc sur le véganisme, mais ils mangent des sushis, ils mangent des congénères, ils mangent un peu. Je ne vois pas où est le problème, Mais... on va pas se mentir, c'est pas très beau comme film, c'est très très moche. C'est pas que ça bave, c'est juste que c'est moche. Si, ça bave. Je veux dire, les animations sont propres. Non, mais c'est pas que ça bave. Il y a pas que ça. C'est juste que non, moi je trouve pas ça. Il y a certains moments, ça pique l'animation, quoi. Je suis désolé, mais Nemo, parce que forcément tu compares ça à Nemo. Nemo, c'est bien. Mais oui, justement, en animation, c'est magnifique à côté. Et pourtant, c'est quand Nemo 2003. C'est même plus vieux que Gang de requins. Non, et puis même, je veux dire, enfin. Le film, moralement, je veux dire, entre les méduses rasta, la fille qui s'intéresse à un gars que parce qu'il est millionnaire, et t'as même une chanson qui est en mode « She's a gold digger, she's a gold digger », tu sais, qui va t'appuyer ça. Non, honnêtement, ce film, c'est l'enfer, quoi. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment médiocre. Honnêtement, sur un classement général, pour moi, c'est lui le pire. Déjà, parce que l'histoire de... Il y a deux, trois trucs sympas après dans l'univers des poissons, d'en faire un truc très humain. J'aime beaucoup la course d'hippocampe. C'est-à-dire que... Ouais, mais tu vois, c'est un détail à mort. C'est-à-dire que techniquement, le film est nul. C'est-à-dire que techniquement, le film est nul. C'est-à-dire qu'il n'est pas beau, il ne tient pas. L'histoire, elle est nulle. La morale du film, elle est dégueulasse. C'est-à-dire qu'à la fin, Oscar, il devient patron de son petit truc. Et tu as une ligne de la chanson de fin qui fait... You are not rich, but trust me, it's better than digging a ditch. Donc en gros, ça veut dire, t'es pas riche, mais crois-moi que c'est mieux que de creuser une tranchée. Qu'est-ce que c'est que cette morale de l'enfer, tu vois, c'est... Enfin, Non, mais c'est horrible. C'est-à-dire que le film te dit, hey, contente-toi de ta petite vie de merde, tu pourrais être pire, tu vois. Enfin, super, quoi. Non, vraiment. Je trouve que le film est infernal. C'est-à-dire, mais tant moralement que techniquement. C'est... Tu sais, parce que Home, c'est pas bien, mais au moins, c'est inoffensif. Là, honnêtement, j'ai dû... Enfin, waouh, c'est quand même difficile de montrer ça à quelqu'un, quoi. Et un autre truc, moi, qui m'a posé problème, c'est le personnage principal est insupportable. Oscar, aucun... non mais oui, Oscar, c'est une ordure. Je veux dire, c'est... Et à aucun moment tu t'attaches à lui, et j'ai beaucoup de mal avec les... Quand tu t'attaches pas au héros, j'ai du mal à regarder les films. Et alors là, il était insupportable. Bon, non, Oscar, moi j'ai plus vu Will Smith, tout court. Les rôles ont été écrits pour eux, c'est encore pire. Mais... Non, c'est très oubliable, quoi. Et je l'avais vu, petit, et j'en avais aucun souvenir. Je comprends pourquoi maintenant. Mais non, je peux comprendre, mais moi, vraiment, c'est un film, moi, je trouve ça honnêtement gênant, en fait. C'est ça pour moi, qui me saute le plus aux yeux. C'est-à-dire que le film n'est absolument pas drôle. Il est vraiment très, très, très, très, très mauvais. Enfin, qu'est-ce que... Home, j'en retire rien. Là, c'est encore pire, c'est-à-dire que non seulement j'en retire rien, mais en plus je suis énervé contre lui, donc super, quoi, c'est... Ouais, vraiment, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Même si ça reste pas le pire film que j'ai vu de ma vie, quand même. Hein. Non, mais à ce moment-là, on peut toujours creuser dans des DTV gênants, tu vois, mais ça reste que le gars fait quand même... Enfin, qu'est-ce que le film te dit, au final ? Le film te dit, si t'es une fille, intéresse-toi à des mecs millionnaires. Le film a quand même des sous-entendus légèrement beaucoup racistes sur pas mal de trucs. Je m'en fous de la caricature des Italiens. Tu vois, ça, à la limite, c'est un truc qui a été fait et refait. Mais genre les méduses rasta, je me dis, putain, c'est... Ouais, tu vois, donc, enfin... Non, vraiment, c'est... Ah oui, et le film se termine quand même sur reste là, entre guillemets, un message qui te dit globalement, reste à ta place. Donc, wouh, super. Ça, c'est... Ouais. Pour moi, c'est le pire. Hein. Pour moi, honnêtement, c'est le pire de toute la sélection. Ah oui, mais ça, il n'y a pas photo. Hein. Mais, et ouais. Et surtout, on le compare au Monde de Nemo. Moi, je suis désolé, mais pour moi, le Monde de Nemo, c'est vraiment un film que je trouve excellent. Mais vraiment. J'ai pas vu la suite sur de Dory, là. Mais je trouve que le Monde de Nemo, t'as un univers qui est super beau. C'est une histoire qui est vraiment très, très belle. T'as des blagues vraiment drôles. Là, globalement, ouais, c'est pas fou, quoi. Et surtout que ça sort sur la vague Nemo, quoi. Si Nemo était pas sorti, t'aurais pas eu ça. Ironique pour un film de poisson de surfer. Et oui. On revient d'ailleurs cette magnifique blague du film sur Cathy Courant qui fait l'info pour vous tenir au courant. Oh, le film s'ouvre là-dessus, quand même. Ils osent faire la blague comme ça en VF ? Oui, c'est quoi en VO ? Non, VO, pour le coup, il me semble pas qu'elle fait une blague comme ça. Ah ouais, non, ça commence, c'est « Bonjour, je suis Cathy Courant, pour vous tenir au courant de toute l'info, je sais pas quoi, c'est nul. » Là, j'aurais arrêté le film juste pour ça. Il y a plein de blagues comme ça, par moment. Et c'est pareil, alors, j'ai parlé VF maintenant. Donc c'est Oscar, c'est Éric Judor, en VF. Ouais. Qui fait du Éric Judor, hein. Je peux pas lui reprocher d'être mauvais, je trouve qu'il fait du... Franchement, quand je vois un film avec Will Smith, doublé, ça fait un peu pareil, donc voilà. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, à cette époque, Éric Judor, et il n'y a pas Ramzy. Et ben si, il fait le crabe, non, le c'est quoi, Bernard l'Ermite, là, complètement... Tarif. Bernard l'Ermite, ouais. Qu'est-ce que c'est pas drôle, ce Bernard l'Ermite. Oh mon dieu. Non, il est clairement pas drôle. Mais non, bref, tout ça pour dire, ce film est très mauvais, ne le regardez pas, en fait, tout simplement, ne le regardez pas. C'est surtout, ne le regardez pas, surtout qu'il y a 15 milliards d'autres dessins animés, même à l'époque, qui sont beaucoup mieux, quoi. Ouais, oui, ça... Regardez Eldorado. D'autant que les personnages féminins du film, combinés à la réputation de son réalisateur, non, ça passe pas. Mais j'irais jusqu'à dire que j'ai été pro jusqu'au bout et que je me suis infligé le Club Oscar, qui est un petit court-métrage qu'il y a avec, qui est globalement juste Oscar, donc le personnage principal, qui danse. dans le truc sur des musiques genre Can't Touch This de MC Hammer ou You Should Be Dancing des Bee Gees. Et devine quoi, bah, c'est aussi nul que le reste du film. Voilà, j'avoue que sur celui-là aussi, j'ai pas de scène préférée parce que bon, c'est un peu pas envie de. Enfin, honnêtement, le film est tellement médiocre que je vois pas pourquoi. Enfin, j'en retire vraiment pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose pour ne pas dire que j'en retire rien. Oui, donc il n'y a rien à en retenir en même temps. On peut enfin conclure sur cette merde ou pas ? Parle-nous de la musique un peu. Bah pour le coup, il y a pas mal de morceaux extérieurs au film. Alors moi, je suis pas fan des morceaux utilisés. Après, à nouveau, là pour le coup, c'est personnel. Je peux pas forcément taper dessus. Mais mis à part ça, même la musique du film, c'est... on s'en fout en fait. Elle est nulle. C'est-à-dire que dans ton film suivant, il y a une musique vraiment excellente. Mais là, c'est bah, la musique qui a l'image du film, impersonnelle, nulle. Donc, non, à nouveau, je diffuserai un extrait sûrement du thème principal, mais c'est vraiment très, très, très, très, très, très nul, quoi. Donc, au voilà. Passage, donc, la chanson Car Wash principale était faite par Christina Aguilera et Missy Elliott. Je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Oui, Missy Elliott, gros respect à elle, hein, rappeuse extrêmement influente. Gros respect à cette personne. Sur la VF, donc j'ai déjà dit Eric Judor et Ramzi Bedia. Sur Lenny, le requin-gueule, on a Patrick Timsit qui ne. Non, ça marche pas. Enfin, après, je sais pas en VO ce que ça donne, mais je pense que Jack Black, c'est quand même mieux. Il fait vraiment ultra nier le requin. C'est horrible. Tu ne t'attaches pas à lui, c'est vraiment pas cool. Sur Don Lino, c'est donc Robert De Niro, c'est Jack France, donc c'est pas étonnant, ça marche bien. On a Ludivine Sagné et Virginie Ledoyen pour les deux films, c'est qui fonctionne plutôt pas mal en vrai. On a et sur Martin Scorsese, je me suis demandé mais qui vont mettre pour le doubler ? C'est pas donc tous les jours qu'il y a des films avec lui. Attention parce que c'est Jean Benguigui. Quoi ? Et le pire, c'est que ça fonctionne. Ça va avec le personnage et sa voix colle au personnage. J'ai pas, franchement, c'était pas si mal. Et je termine avec sur Frankie, un petit jeu. Frankie, donc le requin, le frère de Lenny, tu mettrais qui comme acteur ? C'est un acteur français. Kevin Adams. Non, si toi, tu devais mettre quelqu'un. Ah, si moi, je devais mettre quelqu'un sur un acteur français. Bon, allez, Philippe Lachaud pour la blague. Non, Danny Boone, voyons. C'est Danny Boone pour jouer un bon requin bien balèze. Oh là là. Oh putain, mais tue-moi. Mine de rien, à sa défense, on ne le reconnaît pas. Et en général, c'est pas mal dans le double. Mais voilà, donc on est sur une VF. De merde. Non, je dirais pas jusque-là parce que les personnages fonctionnent sur certains. Je te dis Jean Benguigui, je m'y attendais pas, mais ça fonctionne sur le personnage, ça colle. Eric Judor, il fait du Will Smith, donc ça reste en lien. Et Jack France, c'est Jack France, quoi. Il y a des. Ton optimisme. Les noms sont pas fous, mais la VF, au final, est pas si mauvaise. Voilà, ça colle au film, quoi. Ton optimisme te perdra. Non, c'est. J'ai vu des films d'animation à NVF vraiment pas bonnes. Alors écoute, voilà. Genre Jamel Debbouze. Ou Jamel Labbouze. C'est atroce, lui, en animation. Je peux plus. Il double mal ? C'est pire que ça. Non seulement, tu sais que tu l'entends, tu fais « Ah, c'est Jamel Debbouze ». Et ça, c'est pas bon, normalement, quand tu doubles. Et pire que ça, il s'adapte les dialogues. Genre, il fait des blagues lui-même. C'est horrible, c'est pas drôle. Genre, il a un truc qu'il fait, il improvise. Mais Jamel Debbouze qui improvise, c'est nul, c'est mauvais. Et en plus, tu sais que c'est lui. C'est l'impression de voir le Marrakech du rire, quoi. Oh la vache! Donc, non, franchement, le doublage est bon. C'est pas mon optimisme. C'est pas mauvais. Donc, voilà. Est-ce que tu as une scène préférée, quand même? Non, vraiment, ce film, en fait, je pense que c'est mieux si on arrête d'en parler tout de suite. Genre, ce film m'énerve en fait. Ce film n'apporte rien, il fait rien, il est non juste horrible. Ça dégage. Moi j'ai quand même retenu le calamar qui me fait rire. Voilà, quand il appelle pour une pizza. Désolé, je suis faible, mais. Ouais, après j'ai envie de te dire que toi t'as rigolé devant Super Héros malgré lui. C'est vrai, mais un peu plus que Gang de requins. en plus. Oui, alors ça, encore heureux, comme parce que Super Hero Man, tu sais, c'est des films mitraillettes, tu vois le truc qui te sort 40 000 blagues à la seconde. Forcément, au bout d'un moment. Allez, j'abrège tes souffrances. On passe à un monstre à Paris. Voici maintenant la merveilleuse Lucille. Lucille, l'ange de Montmartre. Lucille. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. Parce que vous n'êtes pas qu'une chanteuse, mais une étoile. Vous vous connaissez tous les deux? Ah oui. Enfin, oui. Paris inondé, la crue du siècle. Raoul. Pardon, beauté. Oh mon Dieu, c'est le laboratoire du professeur. Ne pas toucher. On va voir ce que ça fait. C'est quoi ça? C'est le monstre qu'on a créé. Je vais pulvériser ce monstre. Qu'il retourne d'où il vient en enfer. Je cache ma lumière sous ce manteau noir. Raoul, est-ce que tu as un nom? Cette écharpe rouge. Suis-moi. Ce chapeau. Et voilà. La police ne risque pas de te reconnaître comme ça. Quoi qu'il arrive, surtout pas un bruit, d'accord? Ça s'appelle une guitare. C'est pas un instrument facile à jouer. Ma puce! En scène dans 2 minutes. Oui, maintenant, j'arrive. Oh, extra lucide. Quand tu es... La police! Monsieur le préfet, quelle surprise! Où est-ce qu'il est? Qui ça? Je ne sais, ne sais pas. Rattrapez-le! Allez-y! Bienvenue à bord. Tu vois, enfin, quand tu chantes les notes, c'est, tout ensemble, c'est... Magique. Oui, j'allais le dire, ça, magique. Donc en 2011, sort en France, parce qu'on est sur un film purement français, Un monstre à Paris. Un monstre à Paris, donc c'est réalisé uniquement par Éric Bergeron, donc c'est que je dis purement français, et c'est scénarisé par lui et Stéphane K... que je ne prononce pas mal son nom, Kazan Dijon, qui, alors lui, attention, tu sentais bien, sur un scénariste de l'extrait, qui a entre autres scénarisé Taxi 5 ou Loin du périph, la suite de L'autre côté du périph, ou qui a réalisé Bad Buzz. Voilà. Non. Voilà. Oh, on est sur quand même un scénariste de la mort. Je ne sais pas ce qu'il allait faire là-dedans et comment il arrive à faire un truc aussi bien. Ou alors il a dû écrire 2 phrases et Éric Bergeron a fait tout le reste. Je ne sais pas. Mais Parce que Bad Buzz, enfin, il faut quand même en parler. Bad Buzz, c'est quand même un des pires trucs que j'ai pu voir de ma vie. Enfin, Bad Buzz, il faut le voir pour le croire. Je ne l'ai jamais vu, je ne pourrais pas juger. Ah mais non, il faut le voir pour le croire, Bad Buzz, je te jure. C'est vraiment, c'est... Waouh, wow, et ben voilà, bah, ce gars a scénarisé un monstre à Paris. À la musique, donc c'est Mathieu Chélid, ou M pour les intimes, qu'on adore, qui est voilà. un grand artiste. Voilà, voilà. Et donc au casting, donc on a M et Vanessa Paradis dans les 2 rôles principaux, et on a également Gad Elmaleh, Sébastien Desjours, de nouveau Ludivine Sagnier ou encore Bruno Salomon. Donc pas même pas besoin de faire la VF, c'est déjà de la VF. Il y a aussi François Cluzet, ça je me rappelais pas du tout. Et voilà. Et Philippe Pétieux, qui n'est autre que la voix française de Homer Simpson. Le doubleur que tu reconnais en 3 secondes d'habitude. Oui, ça, tu le reconnais. Tu sais que c'est lui, on va dire. Voilà. Donc, ça raconte l'histoire de Lucille. Donc, c'est dans les années. C'est les années 10. Hein, attends, je te trouve ça tout de suite. Tac, tac, tac. Laisse-moi quelques secondes. Ça se passe en 1910, bravo. Voilà, les années 10-20, où une puce, suite à un accident, on va dire, d'un scientifique, va prendre taille humaine, va devenir donc un monstre, entre guillemets, et va rencontrer Lucille, une chanteuse de cabaret, qui va nouer une relation d'amitié entre eux. Et c'est un film que j'avais découvert... peut-être pas à sa sortie pile, mais peut-être un an après, donc j'avais 12 ans, quoi. et je l'ai trouvé incroyable, et je le trouve toujours aussi incroyable aujourd'hui. C'est vraiment, c'est très bien écrit, c'est original, c'est, l'animation, elle est impec, le doublage, aussi étrange que ça puisse paraître, avec des noms pareils, est vraiment très bon, et je l'ai vu de, je ne sais pas combien de fois en plus à l'époque, et non, c'est vraiment, vraiment un super film, et un peu comme Corentin et son site Bad, si j'ai choisi ce réalisateur, c'est pour Un monstre à Paris. Et voilà. Eh bien, je ne peux qu'approuver. On finit sur un consensus, c'est bien. C'est-à-dire que je l'avais découvert un peu comme toi, c'est-à-dire dans la période de sa sortie. Et je dois admettre que cette réinterprétation de La Belle et la Bête façon Amélie Poulain, bah, moi, ça m'a convaincu. C'est-à-dire que c'est... Déjà, j'aime beaucoup M. J'aime vraiment beaucoup M. Ouais, moi aussi, ça joue beaucoup. Et le film a une imagerie que j'aime vraiment beaucoup, c'est-à-dire ce Paris... Un peu à la Amélie Poulain, c'était un Paris en même temps un peu fantasmé, en même temps pas vraiment. C'est vraiment une imagerie que j'aime beaucoup. Les personnages sont super cool. J'adore le personnage de celui à la banane, comment il s'appelle, Raoul Gad Elmaleh. Ouais. Ouais. Lui, franchement, je l'ai trouvé super drôle. Le singe, je l'ai trouvé très drôle. Il y a plein de gags ou de situations qui fonctionnent, comme par exemple quand le monstre doit crier et qu'en fait il a une voix super belle et du coup ça fait c'est super drôle. Le singe qui sort sa carte d'identité, évidemment que c'est marrant, ça passe vraiment. Moi, j'aime bien le voleur aussi, qu'on voit pas dans tout le film, le voleur finit, ouais, qui finit en prison avec à la fin, je ne dirais pas avec Non mais vraiment, c'est un film, j'ai pris énormément de plaisir à le revoir, je ne m'attendais pas à l'aimer autant, mais vraiment, il y a une douceur qui s'en dégage, il y a quelque chose, c'est globalement, entre guillemets, l'histoire éternelle de la réinterprétation de La Belle et la Bête, mais il y a une émotion, il y a quelque chose qui s'en dégage, et en plus, le film est personnel pour le réal, puisqu'à la fin, il y a quand même à mon père, il le dédie à son père, mais c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment touchant. Vraiment, vraiment, c'est fort. J'avoue que j'avais un petit peu peur de le revoir quand même, savoir potentiellement comment ça avait vieilli, comment il avait pris. Et en fait, ça marche toujours. Même Vanessa Paradis, pour le coup, je l'ai vu en VF. Je l'ai que vu en VF. Même Vanessa, en plus, il est français. En même temps, c'est normal. Non, alors, petite anecdote, la VO existe. Enfin, la VO. Non, la VO, c'est la VF. Oui, mais il a été. Oui, pour l'exporter à l'international. Ouais, avec notamment Catherine O'Hara. Ouais. Et c'est des noms. Il y a aussi Sean Lennon, Adam Goldberg. Donc c'est des noms qui diront pas grand-chose à tout le monde, mais qui ne sont pas non plus ultra inconnus. Voilà. Mais ça a été fait après lui. Ou je crois juste avant, mais pour le vendre aux États-Unis. Mais bon, grosso modo, nous c'est pas de la VF, c'est de la VO, c'est la VF quoi. Ok, mais vraiment, en tout cas, j'étais très très très content de le revoir. D'en plus, tu as pas dit, mais il est également très court. C'est peut-être aussi un défaut que je peux lui donner, c'est-à-dire j'aurais aimé que l'histoire se développe un petit peu plus. Au final, le monstre, en fait, on le voit assez peu. En fait, j'ai réalisé en le revoyant, mais au final, le monstre, eh ben, il est vraiment là entre guillemets, par à coup. Je pense qu'au total, tu dois le voir 30 minutes à tout casser, peut-être. Oui, mais il n'y a pas besoin de plus. Non, ça va bien. Et aussi également, préciser, j'adore la chanson-titre. La scène, là, ça fonctionne à mort sur moi. Mais vraiment, j'étais très content de le revoir. Je ne sais pas si c'est un chef-d'œuvre, je n'irai pas jusque-là, mais je trouve vraiment il a des images, et même artistiquement, excusez-moi, il y a des scènes et des plans que je trouve vraiment réussis. Les plans sur Paris, en général, sont super beaux. Le tout dernier plan, notamment sur toute la ville, est magnifique. La scène où les deux vont chanter sur la scène, j'ai pas chanté, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Tout le clip est super beau avec les deux, bref, vraiment, ça a été un pur plaisir de le revoir. Et oui, puis, c'est pareil, c'était un film d'enfance et ça reste un film, je sais pas, il dégage une bonne humeur de ce film. Une douceur, pour moi, c'est vraiment une douceur. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord, le film est très très beau. Même les personnages secondaires sont super bien écrits, comme tu le disais. Et c'est joli comme film. J'ai vraiment un gros crush moi sur Émile et sa petite copine. Si, c'est bon. Et oui, non, tout est. C'est en fait une douceur. Ouais. On peut résumer le film comme ça. Et voilà. Mais donc voilà, vraiment un monstre à Paris, il mérite, je trouve il est pas oublié non plus, mais il faut le mettre en avant. Mais précisons quand même qu'il est produit par un pote du réalisateur sûrement quand même. Non, même pas. Enfin, j'en sais rien, mais c'est un peu parce qu'ils n'ont pas d'autres options, si j'ai bien compris. Sans production française, il n'y en a pas 15 milliards. C'est produit par l'Europa Corp, donc concurrence Luc Besson. Et alors, comment ils se sont retrouvés? Oui, ah, c'est, d'ailleurs, c'est à cause de Europa Corp qu'ils ont bien tourné la version anglaise avant la française, parce que Europa Corp voulait la vendre aux États-Unis avant. Bah, toujours, c'est même le fonds de commerce d'Europa Corp, hein, c'est de vendre des trucs. Hein, c'est... Mais bon, enfin, Europa Corp, je préviens, on fera jamais d'épisode sur eux. Hein, c'est-à-dire, Louis Le Terrier, il a fait, enfin, pour eux, il a fait les transporteurs et tout. Jamais on fait d'épisode sur ça. Ah, mais vraiment, je trouve ça absolument infâme. C'est. Je sais pas si t'as vu un truc qu'ils ont fait qui s'appelle Wasabi. Ah si. Avec Michel Muller. Avec Jean Reno. Oui. Jean Reno et Michel Muller, ouais, mais c'est. Horrible ce truc. Non, vraiment, on ne. Non, c'est... Mais voilà, Europa Corp, c'est, ils ont. Ouais, c'est compliqué. Mais bref, tout ça pour dire. Bah, déjà, merci beaucoup pour le monstre. Bref, j'avoue qu'il m'était un peu sorti de la tête, du coup, j'étais super content de le revoir. Et puis voilà, ouais, simplement, on classe éventuellement tes films, même si je pense que le classement paraît déjà évident. Non, d'abord, tu m'as pas dit ta scène préférée. C'est vrai, sur ma scène préférée d'un monstre à Paris, je serais tenté de te dire le premier concert avec Franqueur, puisque c'est la première fois qu'on le voit, déjà. Et tu vois, lui qui prend sa guitare, ils vont jouer le super morceau, donc la scène avec M et Vanessa Paradis. Il y a une vraie alchimie dans cette scène, les images sont super belles. C'est quasiment un clip en fait dans le film. Et pour le coup, bah, c'est une scène que je trouve vraiment, vraiment, vraiment superbe. Et j'aime beaucoup l'animation de la danse. Elle est super belle, c'est super réussi. On n'a pas forcément parlé beaucoup de l'animation du film, mais le film, vraiment, techniquement, se tient vachement. Donc non, vraiment, c'est un pur plaisir. Et ben, je vais pas prendre la tête, et j'avais la même scène, de toute façon, la scène de la scène. Et ça, c'est du jeu de mots, ça on aime. Je suis en forme aujourd'hui. Et non, ouais, la chanson La Scène, donc son clip, on va dire, c'est vraiment le meilleur moment du film. C'est une chanson en plus qui est restée après, que j'écoute encore aujourd'hui, hein, de toute façon. Et, c'est vraiment, vraiment top ce moment. Et cette musique. Et ce film. Et ce film. Allez, non, pardon. Hop. Mais non, bref, ouais, il faut voyez ce film et voilà. Est-ce que tu sur la musique du film, je vais pas forcément diffuser à nouveau un morceau de la scène de ce que nos amis des droits d'auteur, mais il y a j'ai marqué un très beau passage lorsque le tournesol sort de la scène. J'en dis pas trop pour pas spoiler. Du coup voilà, lorsque il y a une très belle musique, j'aime beaucoup, et je pense que je mettrai un extrait de cette musique. Est-ce qu'on s'attaque au classement des films, même si je pense que c'est vert, très compliqué. Hein. Vas-y, je te laisse le dire, évidemment. Oh, ben, gang de requins, ça finit en bas. Hein. Oui, et en bas, très très loin. Bah, oui, très très loin. Très très loin des deux autres. Hein. Et après. Alors, honnêtement, je pense que Turbo est plus agréable que gang de requins. Ben, au moins, Turbo. Ça m'arrache de le dire, mais il y a un côté original. Alors que Gang de requins, des films avec des poissons, on en a déjà vu plein. Alors des films avec des escargots, ils font des courses poursuivies par des tondeuses, j'en ai jamais vu ailleurs. Au moins, surtout Turbo n'est pas puant moralement comme l'est Gang de requins. C'est vrai. Puis je rappelle que des escargots poursuivis par une tondeuse, Moi, Gang de requins, j'ai trouvé ça dégueulasse. Vraiment, la fin où c'est ouais, t'es pas riche et tout, j'étais en mode mais putain, comment j'ai trouvé ça infâme. Un film de studio. Hein. Une autre époque. Après, on met Eldorado et Un monstre à Paris, même si j'avoue qu'ils ne sont pas si loin après avoir découvert Eldorado. Je préfère Un monstre à Paris, mais je classe pas Eldorado très très loin non plus. Pour moi, c'est vraiment Un monstre à Paris tout en haut, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, j'avoue que j'ai pas spécialement envie de rajouter grand-chose sur le réalisateur, vu ce qu'on a découvert sur cette personne. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais de toute façon, à part Un monstre à Paris, c'est exactement comme le tien. C'est un peu des films de studio. C'est un faiseur. Il y a juste voilà, Un monstre à Paris qui est son projet d'enfance, qui est vraiment quasi tout seul dessus. Et voilà, les deux autres, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste du truc de studio, c'est DreamWorks. C'est un peu comme celui d'avant, quoi. D'accord. Eh bien, merci beaucoup à toi. À nouveau, vraiment, j'étais super content de revoir Un monstre à Paris et tu as enfin découvert le grandiose, et je pèse mes mots, Sinbad. Et c'est un permis donc, de revoir Fourmise aussi, que je vraiment apprécié à revoir. Je persiste et à revoir Gang de requins. Oh, alors, c'était presque voir tout court, vu ce que je m'en rappelais. c'est lui qui t'a regardé? Non, il m'a pas regardé, il m'a atomisé. Donc voilà, bon, on remercie évidemment tous les gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à réagir, et tout ça. On est toujours ravis de lire tout ce que vous pouvez dire. Et a priori, on ne sait pas encore si ce sera un versus ou l'épisode suivant sur Marvel, c'est encore à décider. Mais a priori, on vous poste l'épisode dès que possible. Et puis voilà, tout simplement. Donc encore merci à toi, Melvin, et à dans deux semaines. À dans deux semaines.